Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analysés RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 20h30, 22h, pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Ce week-end, l'actualité, c'était le match hier à Amiens, 15h, stade de la Licorne. 30e journée de Ligue 1, les Girondins ramènent le point du nul 0-0. On va évidemment débriefer entièrement ce match un petit peu tristouné, un petit peu en demi-teinte pour nos Girondins. Mais tout de même, il y a quand même 2-3 petites choses à dire. On va évidemment en reparler. Deuxième match de l'ère Paulo Sousa. Et puis, avant-match, puisque match un vendredi soir. Et quel match, Bordeaux-Marseille, 31e journée de Ligue 1. Donc vendredi soir, il n'y aura pas d'émission, évidemment, puisqu'on sera tous au stade. On vous débriefera ce Bordeaux-Marseille lundi prochain, dans une semaine. Donc avant-match de Bordeaux-Marseille, avant-match complet, vous saurez tout. Alors on ne pourra pas encore vous donner ni les groupes, ni les absents, ni les blessés, mais on a quand même quelques... On a des pistes. Oui, il y a Boudin Sarr, par exemple, qui s'est fait expulser côté marseillais. Lui, on est sûr qu'il ne sera pas là. Voilà, retour sur les quelques petites infos, les quelques petites actus aussi qui sont sorties ce week-end. Et puis l'arrivée d'un grand joueur. L'arrivée d'un... Mais on va pas dire le nom tout de suite. D'un futur crack qui nous vient de Grèce, je crois. On vous donnera toutes les infos. Oui, je crois qu'il est grec. C'est un futur espoir puisque vous le savez maintenant, la politique c'est d'acheter des jeunes joueurs. On vous donnera toutes les informations. Et confirmé à demi-teinte. Faut parler devant le micro, Marc. Ah, attends. C'est pas... ta gueule, quoi. Alors j'ai fait exprès de pas mettre celui-là parce que d'habitude il dit non, mais il marche maintenant celui-là. Oui. Donc c'est bon. Vas-y, garde-le. Justement, on leur pique la dernière richesse du pays. Bah oui. Cette pépite. Mais non. Bon, je rappelle aux gens qu'on est le 1er avril. Hein. Alors. Je rappelle aux gens surtout que nous avons des infos exclusives que d'autres n'ont pas. Oui. Par exemple, je rappelle aux autres que nous sommes des merdes, hein, et que Pomba. Et bonsoir à tous, parce que ça fait très longtemps que... Mais j'allais te présenter. Pourquoi tu nous sous-évalues comme ça, hein? Pourquoi tu nous dévalues? Non, journaliste, c'est pas pareil. Ouais, moi, j'ai le bras long, hein. Alors, avec moi... Il faut d'avoir la bite. Avec moi ce soir, vous venez de l'entendre, il fait son retour après un mois et demi d'absence. On l'avait quasiment pas entendu depuis un mois et demi. Je faisais de la peinture, je faisais des trous dans les murs, des trous dans le sol. Voilà, il en a profité pour faire des travaux et il en a aussi profité pour perdre le peu de cheveux qui lui restait sur la tête. Non, je les ai pas perdus. Non, tu les as rasés. Maintenant que je suis chauve parce mais que ça je les rase, pas trop ça mal, me fait, en fait chier en fait d'en avoir. Non, ça, tu vois, j'aimerais qu'il soit plus. Ah, mais au moins pour se coiffer, on sait. Non, mais moi, non, je finirais comme toi. Raser tout le temps. Moi, pour l'instant, ça va, mais à terme, je finirais comme toi, oui. Non, mais ça va, ça te va pas trop mal. Franchement. Ça va, non, franchement, ça va, c'est ouais, bien. Ça va. Ouais, franchement, ça passe. Ça alors après. Un look Nicolas Palois. Après, faut avoir la tête pour. Il y a des gens qui. Mais c'est ce que m'a dit ma coiffeuse, elle m'a dit vous avez un joli crâne. Oui, il faut avoir un crâne pour ne pas avoir crâne, de cheveux. Moi, je sais que c'est pas possible. J'ai déjà essayé, c'est pas possible. On dirait la boule dans Fort Boyard, c'est juste inhumain. Paix à son âme. Eh bien, écoute. Une reconversion comme une autre. Donc comment ça, Marc, après un mois de... Je sens que t'as envie de parler, de dire plein de choses sur ce match. Non, pas tout de suite, parce qu'avant je vais présenter Adrien. Non, sur le match. Non, sur le match, j'ai rien à dire. Eh ben. Ah non, le match était tellement nul que... Quand je pense que je suis resté enfermé dedans à regarder le match sur un téléphone pendant une heure et demie sur une chaise. Pourquoi t'étais de où quoi t'étais chez t'étais toi où? Parce que j'étais chez mes beaux-parents. Ça me rappelle tellement de souvenirs de et soirée. Et que tes beaux-parents n'ont pas bibiné. Ils n'ont pas bibiné. Enfin, tu sais, je capte même pas là-bas, donc t'es sûr. Ils ont même pas internet. Ah oui, mais c'est vrai que tes beaux-parents, toi, ils sont dans le. Dans le cul du monde. Ils sont dans le triangle des Bermudes. Ouais, c'est le truc. Dans le cul du monde, tu peux en parler. Ah oui, c'est vrai. On les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Mais non, ils nous captent pas. Ah bah oui, non. Puisqu'ils captent pas. Alors. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Avec nous également ce soir, Adrien. Salut Adrien. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Ça étudie toujours le droit. Ça étudie le droit. Ça crée la nouvelle vague du droit français qui va révolutionner le monde. Oui, et ça part bien ou ça fout les boules? C'est la merde. Alors, nous allons attaquer directement. Oh, on a quelqu'un au téléphone, faut pas que j'oublie. Oui, c'est vrai. Quelqu'un au téléphone, faut pas que tu l'oublies en effet. Bah oui, parce qu'on parle, on parle, on parle. Alors, on va commencer tout d'abord cette émission. On va la séparer en trois parties. On va d'abord parler de Damien. Ensuite, je vous donnerai quelques petites infos, quelques petites déclats sortis ce week-end. On réagira dessus et on terminera par l'avant-match de Marseille. Il y a quand même ce soir, et c'est un événement. Oui, et puis c'est même, oh là, et puis c'est même un vrai événement. Deux matchs. D'habitude, nous avons un seul match. Le lundi soir, c'est un match de Ligue 2. En l'occurrence, c'est Lens-Le Havre ce soir. Coup d'envoi d'ici une dizaine de minutes à 20h45. Mais, depuis 5 minutes, il y a, et c'est un petit événement, messieurs, je crois, ça fait voir peut-être une première, peut-être. Il y a un match de Ligue 1, un lundi soir, match qui devait se jouer hier entre Saint-Etienne et Nîmes. Saint-Etienne 5e, Nîmes 11e. Et bien, figurez-vous qu'au bout de 5 minutes de jeu, c'est Nîmes qui mène 1-0, 2e minute. Savanier. De Bobichon. Donc ça doit être un coup de pied arrêté. Un coup de pied arrêté. Dans mon petit gazon, je l'ai pas mis. Après le match, c'est long, Adrien, ils ont encore le temps. Mais pour l'instant, c'est une mini surprise. Le Nîmes Olympique mène sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne. On va suivre évidemment ce match en fil rouge. Il y a un gros match en Angleterre aussi. Enfin, un gros match. Gros match avec les noms, on va dire. C'est Arsenal-Newcastle. Même si ça fait longtemps que Newcastle, ça fait plus rêver grand monde, malheureusement. Sinon, à 1h30 du matin, vous aurez de la NBA. Si vous voulez, on sera plus là. On dormira à 1h30 du matin. Allez, messieurs, on va d'abord accueillir notre auditeur. Je ne sais pas qui l'a pris au téléphone. Je n'ai pas la moindre idée de Lucas, qui c'est. Salut, Lucas. Non, c'est Johan. Johan, voilà. Tu vois, alors, Marc, il revient. Ça fait un mois et demi, le gars, déjà. Alors, mais allez, c'est con parce que, à part le A qui est en commun, tu n'as aucune lettre. C'est con. Vrai. C'est vraiment, ça joue à rien. Bon, tu me dis, le gars s'appelle Yann, Johan. Allez, bon, je dis à une lettre près, ça peut riper. Lucas. Non, en général, tu te trompes avec un pronom qui s'en rapproche un peu, tu sais. Eh ben non. Mais non, pas moi. Bon, Johan, comment ça va? C'est ce qui me rend unique. Mais, ça va, après ce week-end de Ligue 1 qui était nul. Ouais, on t'avait eu il y a quelques semaines. Il y a deux semaines, avant la trêve. Avant la trêve. Là, on est revenu. On est redescendu. Là, c'est nul. Alors. Avant toute chose, déjà, qui dit championnat dit Ligue 1. Et qui dit Ligue 1 dit musique qui fait peur. Ouh, qu'elle fait peur, cette musique. Ouh, elle est terrifiante. Elle me refait peur, moi, cette musique. Avant, elle me faisait plus peur. Maintenant, elle me remet des frissons. Chaque fois que j'entends, je me dis ça va être rassurant encore. Bref, quelques stats rapidement. Stats rapidement, excusez-moi. Bordeaux est donc allé concéder le match nul 0-0 sur la pelouse de Damien, le stade de la Licorne. La possession est amiennoise, c'est du 54-46. Amiens a tiré 12 fois et n'a cadré que 3 fois. Donc un quart de ses tirs. Bordeaux a tiré 5 fois et n'a pas cadré une seule fois. Voilà, c'est un petit peu près tout ce qui est à noter au niveau des stats. Si ce n'est que Bordeaux n'a entre guillemets centré que 13 fois dans le match, c'est très très peu. En 90 minutes, c'est extrêmement peu. Hein. Amiens, c'est 33 fois. Beaucoup de fautes, 21 fautes pour Bordeaux, je trouve ça énorme. Quand tu vois qu'Amiens n'en a fait que 8, enfin, du moins il y en a que 8 qui ont été sifflés. Ça veut pas dire qu'ils en ont fait que 8, mais ça veut dire qu'il y en a que 8 qui ont été sanctionnés. Je trouve que c'est assez aussi déséquilibré. 3 cartons jaunes pour Bordeaux, Jovanovic, Camano, Depréville et Alexis Blin pour Amiens a été averti à l'heure de jeu, juste après l'heure de jeu. Johan, ce match nul, on va préciser donc que c'était le deuxième match de Paulo Souza à la tête du FCGB, que c'était le deuxième match avec donc ce nouveau système qui est 5 défenseurs en attaque en défense, un système à 5 en défense et à 3 en face offensive avec tes 3 centraux Jovanovic, Koundé, Pablo, tes 2 latéraux qui là pour le coup étaient dans un premier temps Pungé et Youssouf, voilà, qui est sorti blessé, qui a été remplacé par Sabali à la mi-temps. C'est un système, voilà, il l'a dit, hein, Costil à la fin du match, ça s'apprend pas en 2 semaines. Ça se met en place petit à petit. Bah oui, c'est oui, quoi qu'on en dise. Voilà, sur ce match-là, bon, la première mi-temps encore était, on va dire, entre guillemets, vraiment, allez, c'était assez partagé. Bordeaux a une énormissime occasion d'entrer par Sankaré, qui tape à côté, ah oui, qui est compensé par l'énormissime occasion amiennoise dans la foulée, où pareil, le mec est tout seul à 4 mètres du but, il trouve le moyen de la mettre à côté. Bon, la mi-temps, tu te dis 0-0, c'est équilibré. Par contre, la deuxième mi-temps, à part la frappe de Bazic, qui, si ça veut rire, à 50 cm à droite, ça fait ficelle, c'est plein de lunettes. Mais à part ça, il n'y a pas eu non plus. C'est bonjour tristesse. Alors, ça veut pas dire, non, mais ça veut pas dire que Bordeaux a été, que les joueurs ont été mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Depréville, je trouve qu'il fait un gros match, encore oui, une fois sur ce match-là. Isolé. Ça veut pas dire que les joueurs ont été mauvais, mais ça veut dire que, voilà, voilà, devant, t'es, une fois de plus, t'es trop, trop. Ce système, il est bien, mais tu commences le match avec, sur ton 11 de départ, t'as vraiment que deux réels joueurs offensifs, c'est Depréville et Caramo. Sur 11. Les autres, enfin Pungé, je suis désolé, Pungé et Sabali, c'est pas des joueurs offensifs. Non, mais c'est ça. Johan, comment t'as vécu ça en dehors du fait que on s'est peut-être un petit peu. Bon, bah voilà, on. J'essaye de trouver des choses un petit peu positives. Alors, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, ah, ça va être dur. Hein. Ouais, Johan, moi, comment... honnêtement, j'ai regardé le match et je me dis, bon, allez, je vais me motiver. Alors, je regarde l'action de Sankaré, je me dis, mais comment il fait pour la mettre à côté? Je me dis, il y a peut-être corner, non? Je vois que son pied, il a juste tiré à côté. Il s'est pas tiré, quoi. Enfin, il y a un problème, quoi. Après, bon, l'occasion d'Amiens. Et puis après, bah, au bout de 15 minutes, j'ai décroché. Je pouvais plus. Je regardais, mais. Tu te dis pas, est-ce que tu te dis pas, comme on se dit avec Marc, là, tout à l'heure, ben, voilà, la saison, elle est entre guillemets finie. Alors, j'entends qu'il faut quand même encore prendre 3-4 points pour, quand même, même, oui, voilà, si, oui. Même si, bon, allez, on va pas parler de, on va pas parler de, on va pas s'amuser, j'ai horreur de ça, mais s'amuser à se faire peur, mais ça serait bien de quand même finir un peu mieux, de prendre encore 4-5 points, histoire de finir bien quand même. Quelques millions, quoi. Oui, voilà, et puis accessoirement, ça fait des sous en plus, hein. Puis c'est toujours mieux de voir Bordeaux dans le top 10 que dans le, de la deuxième partie de classement. Mais de te dire quand même, eh ben, voilà, on va travailler des choses pour l'année prochaine, certains joueurs seront plus là, d'autres seront encore présents, Cette fin de saison doit nous servir pour l'année prochaine. Ouais, mais enfin, ce qui est inquiétant, c'est qu'on dit ça, mais quand je vois les joueurs qui sont sur la feuille de match, sur le terrain, bah déjà, son carré, moi je peux plus ce joueur, je peux pas, il a les pieds carrés, il est nul, il sait pas courir, il est nul, faut qu'il dégage, j'en ai marre de lui. Enfin, normalement, si t'es un joueur et que tu sais même pas si tu vas être dans le projet ou quoi, tu devrais être motivé, te dire, bon, il y a deux solutions, soit je suis dans le projet, donc je pourrais jouer l'année prochaine, soit je le suis plus, mais faut que je me montre au niveau des autres clubs. Mais là, j'avais l'impression qu'il faisait rien. Puis la compo, elle est complètement incohérente. T'as même pas de buteur. T'as deux buteurs sur le banc et t'en mets pas un sur le. Je pense, en attaque. Bah, t'as brillant. Il y en a qui, avant Marseille, étaient testés, si tu veux. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être aussi. Peut-être qu'il a sa compo en tête. Ouais. Parce que pour moi, Jimmy Briand, il est inconcevable qu'il débute pas face à Marseille. Enfin, ah non, mais ça c'est sûr, il va jouer. Ça c'est Briand, sûr. De Préville va jouer. Voilà, j'allais après, dire. Pour moi, les deux que je veux voir au moins, on en parlera en deuxième heure face à Marseille. Pour Marseille, moi, c'est les deux au minimum que je veux voir devant. C'est aussi, il ne doit en mettre que deux comme il a fait là, qui me mettent Briand et de Préville. Après que les autres soient remplaçants, je m'en fous. C'est autre chose. Ah mais, oui, non, mais ça c'est sûr. Mais Caramo, par exemple, lui, je veux plus. Il est nul. Il fait toujours la même chose. Bah, Caramo, il fait pas un mauvais début de match. Je trouve mais, qu'il est présent. Ouais. Il est au pressing. Il est rapide. Le problème, oui, c'est. Oui, mais après, ça marche plus, quoi. Oui, part mais. Ses dribbles et tout ça, il fait pareil, quoi. C'est comme ouais, mais Cavano, Johan, est-ce que sur ce match-là, ça marche pas parce que justement, il y a que Caramo et de Préville devant comme joueur offensif. Ah oui. J'ai un profond respect pour tous les joueurs quels qu'ils soient, hein. Même Camalo, je l'aime pas mais je le respecte, mais Pungé et Sabali, et pourtant Pungé fait pas un mauvais match, enfin Pungé et Youssouf, parce que c'est Youssouf en première mi-temps, je suis désolé, c'est pour moi c'est pas des réels apports offensifs, quoi. C'est comme si tu mettais c'est comme si tu mets Sankaré, c'est un très bon milieu de terrain, mais c'est un box to box, ouais, voilà, mais c'est pas ces joueurs là qui vont te faire la différence, oui, offensivement, bah oui. quoi tu vois ce que je veux dire. Non, mais ça je suis totalement d'accord. Après, par contre, le fait à la mi-temps, moi quand je vois que Youssouf il se blesse, je fais yes, il va me faire rentrer Kamano ou Maja, on va passer à 3 devant. Et non, il fait rentrer Sabali, je fais mais qu'est-ce qu'il fait, mais on était 3, ils étaient 3 devant déjà hier. Non. T'avais deux Préville, Caramo, et t'avais Mais Youssouf. Ils étaient trois devant. Mais Youssouf, oui, mais Youssouf, il prenait la place de Sabali en mode arrière droit. Je monte et je descends. Oui. Ok, c'est vrai. Mais t'avais, oui, mais parce que après t'avais le joueur en fait que t'as pas vu du match, mais qui était devant. Mais c'était Sankaré. Mais je vous trouve très dur avec Sankaré. Il était nul. Mais moi je trouve il a été nul. Je sais pas où il jouait en fait. Enfin, il était perdu. En fait, je comprends pas ce joueur. Si tu compares par rapport à Bazic, oui, il a été. Moi, Bazic, je l'ai trouvé une fois de plus. Mais une fois de plus, très bien. Mais Otavio, un peu en retrait. Sankaré n'a pas sa place dans ce système. Quand on l'a acheté il y a un an et demi, parce que vous revenez que le voulait, c'était pour le 4-3-3, pour voilà, mettre du physique, etc., ça marche. Mais quand tu veux passer à deux milieux de terrain... Sauf que Sankaré contre Rennes, si je dis pas de bêtises, il était blessé, suspendu, ou il a pas joué, ou il a joué qu'un bout de match. Bah, il a pas manqué. Hein. Oui, mais Paulo Souza, lui, il veut sûrement le voir en action, en match. Donc il faut qu'il le teste, Sankaré, pour savoir après, ce qu'il vaut. Après, c'est à Sankaré aussi de se dire dans sa tête qu'il faut qu'il joue. Parce que moi, je veux bien que Paulo Souza fasse confiance au niveau de ce qu'il voit à l'entraînement. Mais si Sankaré, il veut pas jouer derrière... Il y a un moment, tu le sors à la mi-temps. Tu voyais très bien qu'il était complètement à l'ouest et qu'il s'en foutait complètement. Et bah, à la limite, si tu veux aller jusqu'au bout de tes idées et dire que je fais jouer les joueurs qui sont bons à l'entraînement, et bah, faire rentrer Lautin pendant qu'on y est. Enfin, je sais pas. Enfin, il y a un moment, va au bout de tes tests, quoi. Et de toute façon, faut pas se mentir, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ça va être des tests. Hein. Alors, il y aura peut-être pas trop de tests à faire vendredi. Vendredi, t'es pas là pour tester, t'es là pour au moins prendre un point. Mais je pense que lui, il sera quand même dans le but de faire ce qu'il fait d'habitude. Il va continuer à appliquer ce qu'il pense, sa défense à 3, le fait de répéter. Mais moi, je vous le dis, je pense que certains joueurs ont été mis en face de leur responsabilité en vue du match de Marseille. Briand, il revient contre Marseille. Je pense que Caramo contre Marseille ne jouera pas. Enfin, tout ce genre de choses. Et puis après, il a composé aussi avec les blessés qu'il a, puisqu'il en a quelques-uns. Et on n'a pas une équipe assez forte. Il y avait Cornelius, mine de rien, devant. Tu vois que quand il n'est pas là, ça fait quelques... C'est bizarre, hein, mais depuis qu'il est... Bon, je crois que c'est terrifiant, la stat sur 30 matchs. Il y a 14 matchs où t'as pas marqué, enfin, c'est presque 1 sur 2. La stat est terrifiante. Sachant que sur les 15 matchs où t'as marqué, entre guillemets, t'as marqué avec deux mecs et demi, c'est-à-dire Briand, Camano et un coup Kalou, un coup Caramo, Basic. Enfin, tu vois, c'est. Sinon, même, nos stats en attaque, je crois, à l'extérieur, on a la 19e meilleure attaque, ou je sais pas, meilleure attaque. Non, ah oui, non, c'est. 19e pire attaque, enfin, c'est incroyable. On marque pas, on gagne pas de match à l'extérieur, ça fait 2 mois et demi, et encore avant Angers, je crois que ça faisait 4 mois. J'ai l'impression qu'on gagne jamais à l'extérieur. Quoi. Alors, je supporte Bordeaux, l'extérieur, on connaît pas. C'est toujours pareil, il faut mettre en. Comment dire, il faut mettre en exergue le fait que c'était le deuxième match. Certes, de même joueur, mais dans un nouveau système, donc il faut quand même mettre le bémol sur voilà, c'est pas non plus peut-être ce qu'on a vu là, la version définitive de ce qu'on verra alors l'année prochaine évidemment, mais peut-être même d'ici la fin de saison, peut-être que d'ici Marseille, bah, ça ira peut-être un petit peu mieux, et peut-être qu'après, tu vois, voilà, qu'on aura peut-être en fin de saison 2-3 matchs un petit peu sympas qui vont nous mettre le parallèle un petit peu avec ce qu'a fait Lille l'année dernière. Galtier, c'est exactement ce qu'il a fait à Lille l'année dernière. Son équipe de cette année, elle est pas là par hasard. Il a préparé tout ça déjà l'année dernière pendant 3 mois. Il a dit bon, faut qu'on se sauve. Mais lui, il avait un objectif. Donc, il pouvait mettre les joueurs en face de leur responsabilité, dire les gars, il y a un objectif. Alors là, c'est vrai. Là, il a pas d'objectif. L'objectif, là, à part finir dans les 10. Bon bah c'est bien, bon bah qu'est-ce qu'on fait, même qu'on lui pose la question, bah non moi l'objectif bah c'est je sais pas. Enfin même lui il sait même pas en fait, c'est là, il est là, il fait son petit laboratoire, il teste des joueurs. Bah l'objectif c'est toujours pareil, c'est gagner des matchs, finir le plus haut possible, enfin ça semble évident quand tu rentres sur le terrain, tu rentres pas pour on va perdre. Tu rentres pour dire on va gagner. Voilà. Si contre Marseille, là j'entendais Pablo, oui on va tout faire pour gagner. Bah oui, c'est un peu le but de ton contrat, quoi, c'est gagner, quoi, enfin je sais pas. Défense à 3, elle t'avait convaincu déjà contre Rennes ou pas? Et est-ce que là, hier, elle t'a encore conforté? Parce que, alors évidemment, tout ne vient pas de la défense à 3, mais une fois de plus, j'ai trouvé moi que ils étaient quand même assez... Alors, on a subi quand même, il y a eu quand même 2-3 coups, on va pas se mentir, il y a eu quand même quelques coups de chaleur. Assez intense dans cette défense, et une fois de plus les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais une fois de plus merci Costil qui t'en sort encore 2 ou 3, voilà, t'es content de l'avoir. Mais cette défense à 3, je me dis bon, pour parler que des 3 centraux, c'est pas ça se tient. Sur les 3 centraux, celui qui me paraît le moins solide bizarrement, c'est Pablo qui... Après le test, ça, on en reparlera, le test ça va être vendredi. Après le problème c'est que Marseille joue à 15 attaquants, donc c'est quand même On a joué deux équipes qui ont joué à 2 attaquants, donc tu joues à 3 défenseurs centraux, c'était un peu ce que Bielsa il aimait bien faire, donc c'est un peu logique. Mais là Marseille joue juste avec Balotelli. Est-ce qu'il va continuer sur la même ligne? Il joue sans Balotelli sauf s'il est dans la surface. Oui. Oui, non, mais c'est je veux vrai. Dire, bah, on en parlera après pour Marseille, mais Balotelli, mine de rien, physiquement, faut le tenir. Alors, ok, il est peut-être, il est très inconstant. Je vous en reparlerai tout à l'heure pour ceux qui ont vu Marseille-Angers. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, mais lui, contre Angers, il en a pas 50 hein, des occasions. Il en a deux. Il en met deux. Bah oui. Alors après, derrière, ils se font remonter, mais c'est pas de sa faute. Mais lui, il a fait son taf. Lui, il a fait son boulot. On lui demande de marquer, il a marqué deux buts. Bon, bah, ça, mais il lui en a pas fallu 50. Hein. Il en a fallu deux, il met deux buts, 2-0. Et je suis pas sûr que nous, on soit capable actuellement de remonter un score de 2-0. Enfin bon, bref, on n'en est pas à parler de Marseille. Ouais, non, cette défense à 3, certes, quand même pas mal malmenée par cette équipe amiénoise qui, moi, m'a un petit peu surpris. Je m'attendais à ce qu'ils nous... Comment dire? Ils nous ont dominés, mais ils ne nous sont pas rentrés dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, oui, au niveau des actions, oui, il n'y a pas non plus... Enfin, il n'y a pas vraiment... Il y a quoi? Deux situations dangereuses à la fin avec Blin qui tire à côté et puis, voilà. Bon, Costil qui sort une tête. Mais il n'y a pas eu non plus... Enfin, c'était une domination un peu dans le jeu, mais pas sur les occasions. C'est ça, voilà. C'est une domination territoriale. Alors, ça, il n'y a rien à dire en deuxième mi-temps. On n'a pas vu le jour, à part, la frappe de Bazic et peut-être, il y a un ou deux trucs, mais enfin, très, très, très rapide, très succinct. Voilà, Costil. Comme Peter. Voilà, oui. Comme Peter. Bien, pas mal. Costil, je vois la stat, 37 ballons joués, 6 captés, 2 détournés. Donc, c'est pas non plus... Alors il est là, hein, il a fait le match et les arrêts fallait les faire, mais bon, c'est pas non plus une avalanche comme contre Monaco où il avait fini avec je crois 8 parades, enfin un truc terrible. Oui, c'était son meilleur total avec Bordeaux, je sais plus quoi. Là. Oui voilà, ouais, un truc dans ce genre là, t'as pas non plus, t'as souffert, t'as été dominé, t'as subi des occasions, mais bon, il y avait pas non plus. Il n'y avait pas non plus le feu. Alors, ça passera peut-être pas contre Marseille et contre Lyon, parce qu'il ne faut pas oublier, bon, on parle de Marseille, mais il y a Lyon aussi qui va se pointer bientôt. Après ça, déjà Marseille, après on verra les matchs les uns après les autres. Vraiment... Mais une fois que ça sera passé, Marseille, la saison. Ah, il y a Lyon, bah, quand même. De toute façon, oui, parce qu'après, il y a encore Saint-Etienne aussi. Il y a Saint-Etienne. Moi, j'ai pas envie de. Il y a Lille. Et il y a Lille. Non, Lille, on l'a fait. Lille à Lille. Je crois pas qu'on ait fait le retour encore. Non. Lille à Lille, on n'est pas allé. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais. Et puis il y aura quand la dernière journée aussi un supporter canadien qui est un. Ouais, et puis accessoirement, tu vas jouer que des équipes qui jouent l'Europe. Hein. Lille, Lyon, Marseille, Saint-Té, que des équipes qui. Oui, voilà, oui. Que des équipes qui jouent des points. Donc face à nous qui jouons plus rien, ça peut, la fin de saison, elle peut être très longue. Elle peut être très très longue si tu. Mais après, la défense à 3, c'est bien, mais faut pas qu'on ait un blessé, parce que si derrière faut mettre les troupes, là, ça va être très compliqué. Là, Jovanovic, il a pris un jaune. J'espère qu'il n'est pas sous une menace ou quoi. Koundé, Pablo, si, Jovanovic, j'ai vu que c'était pour qui allait rater là, après Marseille. Il a été remis à zéro après Montpellier pour Jovanovic, puisqu'il avait déjà pris les cartons jaunes. Donc là, je pense que là, c'est son premier. Mais il faut pas qu'on en ait un des trois qui se pète ou... Après, tu crois que sur un match, il peut dépanner quand même Oui, tu me diras, pour la fin de la saison, pour sa fin de contrat, après il s'en va. Et pour un match, il peut dépanner quand même On le remerciera pour service rendu souviendra pas de lui, mais... Non, mais sur un match, il peut dépanner quand même, Levchouk. Tu dis, faut pas qu'il y ait un suspendu ou un machin. C'est-à-dire qu'il a pas été si mauvais que ça, parce que moi, Bruno Basto, David, Christian, Sankaré, tout ça, je m'en souviendrai. Hein. Bon, moi, personnellement, Levchouk, je le retiendrai pas comme le mec le plus nul ou le plus machin. Bon, il a fait... Non, on a eu Jérémy Bréchet, donc... Ouais, après, tu l'as eu en fin de carrière. Tu l'aurais eu époque lyonnaise, je pense qu'on aurait été content de l'avoir. Ouais. Ah, quand même. Bon, après, on a eu pire quand même. Tu l'as eu en fin de carrière. Mieux, bon. Il y a eu mieux, oui. Il y a eu mieux. Mais il y a eu Joseph Enacarrière, si on va par là, tu vois. Ou Beto. Ouais. Ah, oui. Bah, ça, c'est pour les plus anciens. C'était chaud, ça. Champion d'Europe 2004, quand même. Cap 6, champion d'Europe 2004, pardon, puisque Beto. Ouais. Ça fait pas très grave. Mais bon, international portugais, quand même. Cap 6 à l'Euro chez lui. Et pour rajouter un petit peu, tiens, pour confirmer ce que tu disais, Johan, Vukašin Jovanović et Nicolas Depréville seront suspendus pour le match à Saint-Etienne le 14 avril pour la 32e journée. Voilà. Oh là là. Donc déjà, tu vas sans un de tes trois défenseurs et sans un des mecs qui est devant, qui est un des plus intéressants devant. Oui, bah oui. Bon, bah voilà. Bon, on a perdu contre Saint-Té, ça c'est fait déjà. Bah écoute, à voir ce que fait Saint-Étienne en ce moment chez eux, à savoir qu'ils sont pour l'instant, je vais faire une petite mise à jour, mais toujours, toujours mené 1-0 par les. De quoi? Ils perdent 1-0. Mais je te l'ai dit, en début, je t'ai dit au bout de deux minutes, il y avait déjà 1-0. C'est un poisson d'avril. Ah non, ils ont égalisé. C'est non, c'est pas énorme, mais je fais peu. C'est Rémi Cabella qui a égalisé à la 24e minute, donc il y a un partout dorénavant. Oui, oui. Bah après, au match aller, on avait gagné 3-2, mais c'était vraiment la rage. Ah oui, le fameux 3-2 où il y a 3-1, où il y a 3-0, ils reviennent. Non, ou 3-1, ils reviennent 3-2, je crois, un truc comme ça. Non, je crois qu'il y a 2-1, ils reviennent à 2-2, puis on a un but avec Pablo à la dernière minute, un truc comme ça. Non, mais sur ce match à Amiens, franchement, on pouvait rien espérer d'autre qu'un nul. Ah si. Si, on bah, on aurait pu quand même gagner, quoi. Enfin, je sais pas. On aurait pu espérer autre chose, mais on a fait un mauvais match. Je vais quand même vous sortir quelques. Pardon, je vais quand même vous ressortir quelques déclarations où Paulo Sousa, rappelez-vous, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours après le match contre match contre Rennes, il disait qu'il était content, il n'était pas content du résultat, mais content de la manière. Bah là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment content. Je vais essayer de vous retrouver la phrase en même temps que je vous parle. Tu l'as dit, t'es content de pas prendre de but. Oui, mais il dit quand même que voilà, il dit je suis quand même plus content. Il était plus satisfait du résultat que de la manière. La manière l'a un petit peu moins satisfait que après le match de Rennes. Donc peut-être que lui aussi va dire bon ben. On va peut-être quand même rectifier quelques voilà. Je voulais retrouver. C'est juste que ce qu'il demande aux joueurs. Déjà, il faudra du temps avant que les joueurs y arrivent. Et ensuite, il y a une autre chose, il va falloir que les joueurs progressent. Parce que ce qu'il veut faire avec les joueurs qu'il a, excusez-moi, mais c'est comme si demain, on me demandait de courir le marathon. C'est-à-dire que non seulement il va me falloir de l'entraînement, mais je ne suis même pas sûr qu'avec de l'entraînement, j'y arrive. Si. Non, je suis sûr que non. Il dit « Je suis plus satisfait du résultat que de la prestation ». On travaille pour être plus consistant et contrôler le match avec le ballon. Ce n'était pas le cas en deuxième mi-temps en raison des difficultés posées par notre adversaire. En première mi-temps, on a mis une pression plus haute pour réduire le temps d'action de nos adversaires. Les défenseurs adverses ont moins eu le temps de jouer des ballons verticaux. Ensuite, Amiens a produit son jeu, un jeu physique, et on a eu des difficultés pour mettre le pied sur le ballon. Ça, c'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Tout de suite après le match. Ensuite, il est revenu sur certaines. Voilà, où il dit j'ai dit dans le vestiaire à mon équipe que je n'étais pas content cette fois, donc toujours pareil de la manière, car on savait qu'Amiens était plus physique que nous et on n'a pas su contrôler le match avec le ballon. Donc, l'intention de départ, c'était physiquement, ils vont nous marcher dessus, on va essayer de nous de les faire galoper un petit peu balle au pied. Bon, ça s'est pas passé comme ça. On aurait dû mieux contrôler, on doit progresser dans la maîtrise, mais on va travailler pour ça avec les joueurs. Le but est d'arriver à un jeu plus contrôlé de notre part. Il faut travailler sur ça, c'est notre grand problème. Savoir quoi faire du ballon, ne pas se poser de questions quand il y a des positions de jeu difficiles, c'est ça dans notre mentalité qui doit changer. Ça va être compliqué, hein. Non, mais ça va être long. Ah oui, non, mais le problème, c'est qu'il reste 8 matchs. Il reste 7 matchs, donc ça peut se faire. Il y a des joueurs de foot au milieu. Hein. Son carré, c'est pas un joueur de foot. Hein. Caramo, à part aller tout droit et essayer de faire ses gestes techniques, c'est pas un joueur de foot. Hein. Il a une intelligence de zéro. Il voit rien. Après, Depréville, bon, bah, il lui manque un but, je pense, pour vraiment lui faire passer un cap. C'est ce qu'il avait dit. Oui, s'il y a bien un joueur qui mériterait de marquer, franchement, il mérite de bien jouer. Bon, il a marqué un gros match aller, mais l'année dernière. Il mérite de bien jouer, en fait. S'il y en a un qui mérite d'être à un niveau différent que celui dont bah lui est brillant quoi. Voilà. Non mais brillant, il est pas un mauvais. Quoi que brillant, nous il va mettre ses 10 buts. Il fait son taf. Voilà, il va faire sa saison à 10 buts. C'est pour brillant. Oui, mais bon, pour les mettre. Il fait son boulot, brillant, les pénaux, il les mettait déjà à Guingamp et à Lyon. Oui, bah oui. Il va faire sa saison à 10-12 buts, il sera là, il y a pas de souffle. Enfin, pour ça, je m'inquiète pas, il l'a toujours. Après, je suis pas un grand fan de Brillant, donc bon. Sans être un fan, c'est. Faut quand même pas oublier que. Attaquants cette année. Et puis, il faut quand même pas oublier que Brillant, quand on le recrute comme attaquant de complément. Ah oui, non, normalement, c'est. À la base, il est attaquant de complément, Jimmy Brillant. Il est pas attaquant. Oui, bon, au final, tu te rends compte que, bah ah oui, le mec a 400 matchs en Ligue 1, 200 matchs en Coupe d'Europe, ou je sais pas combien, j'ai une connerie, 80 matchs en Coupe. Matchs. Non, pas 200, mais enfin, des matchs de Ligue des Champions avec lui, il en a joué un paquet, je pense. si je dis pas de bêtises, voilà, international, il a connu, oui, donc, enfin, c'est quand même, je suis désolé, que je sache, demi-finale de Ligue des Champions. C'est encore le meilleur, il me semble, c'est pas le meilleur buteur français en activité encore. Enfin, je veux dire, tu prends pas non plus, alors certes, il est plutôt jeune, mais tu prends pas non plus et gratuit. Donc, c'était cadeau, oui, quoi. Voilà, oui, oui. Et donc, ce garçon, même si tu peux le conserver l'an prochain pour justement aider des Alexandre. Ah bah il va rester. Hein. Ouais, moi, franchement, j'espère, parce que pour aider des Alexandre Mendy. Bah, y a personne qui. Des qui va mettre de l'argent sur Jimmy Briand. Oui, tu sais, après Guingamp, hein, ils peuvent toujours le. Après avoir gueulé. Ah oui, il a joué à Rennes aussi, j'avais oublié. Non, Guingamp, bah, je t'explique, c'est impossible. Il a joué en Allemagne aussi, donc. Non, il y a des garçons comme ça, oui, qui... Mais ouais, bah, ouais. Paulo Sousa, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est arriver à un jeu plus contrôlé, plus de maîtrise. C'est vrai que... Ça me plaît, d'ailleurs, parce que je... Bordeaux, hier, ça manquait quand même Bordeaux de maîtrise. Bordeaux, pas contrôler ces matchs. Bah, ça manquait de maîtrise. Ça manque de maîtrise, ah, tout simplement, ouais, ouais. Depuis le début de l'année, d'ailleurs, pas que hier. Hein. Bah, surtout, moi, je vais peut-être lancer un peu la pierre sur Costil, mais quand des fois, il nous fait des relances probes, et puis des fois, il nous met des pétards en tribune. Donc, enfin, il y a un moment... Je sais pas ce qu'on lui dit de faire. Alors, ça fait deux matchs, clairement. Je sais pas. Il y a une chose, en tout cas, qui est sûre, c'est que Paulo Sousa relance tout de suite. Dès que Costil a le ballon, remarquez, c'est soit très vite vers l'avant, oui. Soit on relance carrément des 6 mètres de notre depuis Rennes, et on l'a vu encore hier. Alors, des fois, c'est risqué. Parce que techniquement, Paris, on voit faire le PSG, ça, ou le Barça, mais techniquement, ils peuvent le faire. Le jeu à 1, à 2, à 3, redoublement de passe, oui, ça, bah ils oui. savent faire. Nous, Costil le ferait, ça doit être une demande du coach, hein, parce que Costil cherche quasiment systématiquement une relance très courte dans les premiers instants, dans les pieds des défenseurs, pour vite relancer derrière et repartir de loin. Donc ça doit être des consignes, je pense, de Paulo Sousa. Bah, après, moi, si, entre guillemets, si je peux lui donner comme conseil, c'est de faire quand même une relance propre au niveau des défenseurs, pour qu'au moins on ait la conservation un peu plus du ballon, pour avoir un petit peu plus de maîtrise, entre guillemets, vu que c'est ça qu'il cherche. Si on relance directement sur, je sais pas, Depréville ou Caramo, bon, bah, de la tête, s'il tombe sur un Amiénois ou un Angevin ou même un Lillois ou autre. Ah oui, non, c'est sûr, c'est bon. Et puis sur les deuxièmes ballons. On perd la balle direct et puis on peut se prendre un but derrière. Sur les deuxièmes ballons, on est quasiment jamais présent. On est présent sur les premiers ballons, pas sur les deuxièmes. Sur ce match, c'était incroyable. Mais je pense aussi, c'est le joueur qui a mis en place le schéma de jeu, les joueurs. Il a testé, ça n'a pas du tout marché et il y a des joueurs qui vont. Il n'y a qu'un joueur qu'on n'a pas vraiment vu encore, c'est Kalou. Mais sinon, son et Kalou, milieu, oui, Maja c'est vrai. Et Maja. Kalou et Maja sous l'air Paulo Sousa. Alors bon, Kalou, le pauvre, il s'est fait kidnapper sa maman. Mais Kalou, il va être en manque de rythme. Hein. Ça fait au moins un mois qu'il n'a pas joué. Oui. Non, mais avec son histoire de kidnapping. Oui, et, bon, il a trêve, etc. On ne verra peut-être pas contre Marseille, ou alors peut-être dans le dernier quart d'heure, mais ça m'étonnerait qu'il débute le match. Ouais, ou en fin de match. À moins qu'il soit super bien physiquement, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que. Pour revenir encore sur Paulo Sousa, alors ça, il disait ça avant le match. Il disait comment créer. C'est une interview qu'il avait donnée à au site, je sais plus à qui l'a donné cette interview. À l'équipe ou RMC, non? Je sais plus où c'est qu'on a pêché ça. Mais il disait comment créer une identité de jeu. Il s'agit de donner régulièrement aux joueurs de l'expérience pour acquérir non pas juste un mécanisme, mais une capacité d'adaptation en créant des situations où ils prennent leurs propres décisions. Si tu possèdes une identité, c'est bien plus facile pour connaître le moment, l'espace, analyser, prendre la décision et exécuter. Quand tout arrive ensemble, et vite, tu as un joueur très intelligent. J'aime beaucoup les équipes qui contrôlent le jeu avec le ballon. Je prends beaucoup de risques et je cherche des joueurs qui en prennent aussi. Les milieux sont des pivots à mes yeux, ils connaissent la défense et l'attaque, les deux moments du jeu. Ils doivent toujours avoir une vision périphérique et communiquer avec leurs partenaires à ce poste. Tu développes d'autres capacités. Alors vous, je sais pas, moi je suis en totale adéquation avec ce discours. Oui, maintenant, ben. Est-ce qu'on a les garçons capables de mettre ça en application? Oui, il y a toujours. Je pense qu'il y a toujours moyen. J'ai déjà un peu doute. Plus de doutes, tu vois. Et même si ça sera pas. Je dis pas que c'est pas le cas, niveau, mais. Un jeu intéressant, il y a une équipe déjà et qui a pas un budget fou et qui propose un jeu déjà intéressant. Quand tu vois ces matchs, tu t'ennuies rarement et qui joue ce soir. Nîmes, dans l'idée de jeu qu'ils ont et tout ça, depuis le début de la saison, rien que ça, ça c'est pas une question de budget, c'est une envie, un état d'esprit. Rien qu'avoir l'état d'esprit qu'a eu Nîmes cette saison, ça peut déjà apporter, porter ses fruits avec les joueurs qu'on a, qui pour certains je pense sont un peu plus talentueux. Oui, on peut déjà avoir une bonne équipe très intéressante à voir jouer. Mais là, sur ce match, enfin, j'ai du mal à me baser sur ce match parce que on sent qu'il y a eu beaucoup de tests et que même je trouvais la compo pas forcément très cohérente. Dire que Sankaré n'a pas sa place dans un schéma comme ça, je sais pas, j'ai eu mal parce que justement, ça lui permet de se projeter tout ça, tout ce qu'il voulait. Je pense que le mal est ailleurs, mais contre Marseille, on peut voir un gros match comme on avait vu contre Rennes. Et l'aspect où il faut Marseille, moi, dans l'intensité, je veux voir au minimum, je veux voir ce que j'ai vu contre Paris. Ah oui. Ah bah c'est un peu le, je veux pas le voir ce que j'ai vu contre Rennes. Oui. Parce que si je vois ce que j'ai vu contre Rennes, tu feras peut-être un match nul, mais tu gagneras pas face à Marseille. Moi, je veux voir le même engagement, la même hargne et la même rage qu'ils ont mis quand on a fait 2-2 face au PSG. Et même quand on a perdu que 1-0 là-bas. Ou le match face à Lyon, par exemple. Le match aller face à Lyon. Moi, je veux rien voir. On en reparlera tout à l'heure, mais je ne veux rien voir de moins vendredi soir. Je veux pas voir ce que j'ai vu hier. Ça suffira pas. Mais déjà, il faut des joueurs combatifs. Enfin, pareil. Comme Depréville, peut-être à Palencia aussi. Bah, Palencia va revenir. Enfin, je pense qu'il était blessé. Il était blessé ou suspendu. Oui, il était blessé. Blessé. Bon, faut espérer qu'il soit prêt. Pour déjà, ça te laisse une opportunité, je pense. Ça te laisse une cartouche parce que Zaïdou étant blessé, alors on n'a pas de nouvelles sur l'indisponibilité de Zaïdou. Faut espérer que ce soit pas trop grave pour lui parce qu'il a une saison quand même un peu galère, le pauvre garçon. Non, de Tchouaméni, ah oui, non, de Zaïdou aussi. Oui, c'est vrai que lui aussi est sorti. Bah ouais, c'était assez galère pour lui aussi. Donc bon, faut espérer que ce soit pas trop méchant. Puis ça laissera des opportunités à Paulo Sousa pour peut-être voilà tenter certaines choses, certaines associations qui pour l'instant peut peut-être pas faire parce qu'il a pas tout le monde de dispo. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur Amiens, sinon on passe à quelques petites infos avant de passer à Marseille. Il y a des joueurs dont on n'a peut-être pas forcément parlé, que ça soit à Bordeaux, que ça soit côté Amiens, on n'a pas forcément parlé de certains joueurs, donc si vous voulez, allez-y, c'est maintenant. Vas-y, Johan, je laisse. Bah, sur Amiens, on va dire que bon, bah, l'ambiance avait l'air plutôt intéressante à la télé. Le stade était plein, c'est bien ça déjà. Ouais, le stade était plein, gros parkage bordelais, 400 ou 500 bordelais, le parkage était bien rempli, parce que ça fait plaisir. Amiens, c'est quand même pas à côté, hein, c'est le nord, hein, voilà, donc c'est pas non plus à côté, sinon, mais pour un dimanche après-midi, c'était bien. Dans l'ensemble, on va dire que bon, à part. J'ai trouvé que c'était un match quand même. Il y avait du rythme, enfin il y avait pas de temps mort. Non, mais il y avait pas de temps mort. Alors évidemment, nous on est supporters bordelais, on aurait aimé que les temps forts soient bordelais. Évidemment, les temps forts étaient amiénois, mais il y avait pas de temps mort. C'est pas un match où il s'est rien passé. Tu vois ce que je veux dire? Pas trop d'accord. Enfin, moi je sais que j'ai regardé la finale de la Coupe de la Ligue. Moi je me suis endormi avant. Ah, attends, je me suis endormi, je me suis réveillé, il était 1h30 du matin, je vois Strasbourg qui lève la coupe. Quoi, pas là-bas? Bah, moi j'ai commencé à regarder, mais je pouvais plus, j'ai lâché la finale. Mais ah, là, oui, non, par rapport à la finale. J'ai regardé 15 minutes, ça m'a saoulé, quoi. Enfin, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je m'ennuie encore une fois, quoi. Parce que, je sais pas, en fait, ce que j'ai pas retrouvé, c'est ce qui s'est passé contre Rennes. Où il y avait du pressing, etc., de la volonté pendant sur contre Rennes, ça a duré une demi-heure. Moi, presque jusqu'à la mi-temps, mais là, je l'ai pas retrouvé. J'ai l'impression que c'était encore Ricardo sur le banc de touche, quoi. J'ai dit, bon, bah, c'est belle, il est revenu. Mais je me suis ennuyé, quoi. Non, mais, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est pas le problème du coach. C'est pas Ricardo, Bédoué, Poyet ou lui. C'est juste que nos joueurs sont nuls. Il faut être d'accord avec ce point-là. Marc ne. Oui, enfin, le coach, il a quand même une responsabilité. Ah, non, je dis pas qu'elle est pas entière. Elle est pas entière, mais il y a quand même une dizaine d'années. Mais là, là, moi, j'ai soutenu Sagnol, mais... j'ai soutenu Poyet, j'ai soutenu Gourvennec, je les ai tous soutenus les coachs. À part Tiganet, regardez Monaco, je suis désolé. Monaco, Jardim, Seb, le problème, c'est que là, tu les accumules, tous les coachs. Tu peux te dire, ah, c'est à faute de ce système-là. Mais les joueurs, en fait, qu'on a depuis... Allez, depuis Sagnol, les mecs sont bons 6 mois. Parce que là, on arrive à un moment où les joueurs sont tellement mauvais physiquement... Parce qu'on est tellement en retard physiquement parce que la préparation. Ben, je suis désolé, la préparation, va falloir poser des questions aussi à qui l'a faite la préparation. Et en l'occurrence, merci Johan. En l'occurrence, c'est Bédouin. Justement, quand j'entends Paolo Souza qui arrive. Et qui dit qu'ils sont cramés. Et la première chose qu'il dit après une demi-journée, c'est ils sont cramés. Un souci, Marc. Oui, mais là, vous vous trompez de personne. Parce que la personne qui était responsable de la préparation physique, c'était un des adjoints de Poyet. Je vous rappelle que Poyet, et c'était déjà le cas avec Gourvennec, est venu, je veux bien que Twitter me corrige, mais il me semble, est venu avec un préparateur physique. C'est jamais Bédoué qui fixe la préparation physique. Alors à quoi ça sert quand t'es préparateur physique, le mec, à quoi il servait? Alors c'est un emploi fictif. C'est celui qui a suivi la préparation, c'est celui qui a entretenu les joueurs. Il y a eu un déficit de la part de Bédoué aussi, hein, mais on demandait pas la même chose aux joueurs. C'est-à-dire que là, on arrive avec un entraîneur qui demande un niveau énergétique à ses joueurs extrêmement important. Mais pour ça, il faut des joueurs sérieux, parce que la préparation physique, c'est pas que juin, août. La préparation physique, c'est aussi la façon dont tu te reposes, la façon dont tu te maintiens en condition tout au long de l'année. Et quand tu passes plus de temps à aller en boîte, quand tu es suspendu à la maison et que tu décides, parce que tu n'as pas match et que ton entraînement est fini, que tu as fait le matin, et que tu décides de partir l'après-midi pour passer ta soirée à Paris, l'organisme se taper le voyage Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux en avion et de faire la soirée, il aime pas trop. Ça le fatigue. Alors, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils ont l'impression de pas être fatigués. Mais ils sont fatigués. Quand ils auront 30 ans, ils s'apercevront réellement qu'ils sont fatigués. Mais pour l'instant, le corps le cache. Parce que quand tu te vois courir sur le terrain, le corps, il cache plus rien. Et les joueurs sont fatigués. Il y a eu, je pense, une préparation physique tronquée à cause des matchs d'Europa League. Qu'il a fallu commencer plus tôt, ça il faut pas se le cacher, c'était tout sauf une bonne idée. Il y a plusieurs ici, Cyril le premier, il y avait Charles aussi qui disait qu'il voulait pas voir cette Coupe d'Europe parce qu'il savait que ça allait leur pourrir la saison. Donc ça c'est un des points, et la deuxième c'est juste le sérieux des joueurs. On peut pas accuser en permanence les coachs, et là je refuse d'accuser et Poyet et le Ricardo Bédoué. Les joueurs en ce moment n'ont rien à foutre, ils écoutent que dalle. Donc moi j'ai très peur pour vendredi, ça va pouvoir permettre, je te lance le sujet sur vendredi. Mais vendredi, c'est pas les meilleurs qui doivent jouer, c'est juste ceux qui sont concernés. Parce qu'on va prendre une branlée sinon. Il va faire mal. Il n'y en a pas beaucoup des concernés sur le terrain. À part Depréville, Briand, Costil, Koundé. Oui, mais on disait non, pareil, on disait pareil face à Paris. On disait pareil face à Paris. Une équipe de concernés, je peux te la faire. Je peux vous faire une équipe de joueurs concernés. L'équipe des concernés, on peut la faire, ça va être très simple. Elle n'est pas compliquée. T'as Costil, Palencia, Tu mets déjà les 3 de derrière. Tu mets Pudge, Palencia, ça t'en fait 5. Basic, Otavio, ça t'en fait 7. Tu mets Bellion devant, ça t'en fait 8. Arrête avec Bellion. Briand devant, ça m'en fait 8. Il m'en Briand, Depréville. Il m'en manque plus que 2, puisque j'ai pas compté Costil. Donc il m'en manque plus que 2. Mais Briand, Depréville, Depréville, ça m'en fait 9. Bah écoute, tu mets Maja ou Cornelius. Oui, Cornelius. Moi, là, c'est là que je voulais revenir. Ils sont pas bons, mais ils sont concernés. Oui. Cornelius, oui, je trouve pas désinvolte. Parce qu'Adrien, il avait dit par rapport au niveau combatif, etc., contre Marseille, et c'est là que Cornelius, je pense qu'il va manquer. Parce que contre Paris, je crois qu'il était titulaire, il avait marqué. Et il marque il rentre vu que Briand est titulaire, deuxième. Il marque derrière. Je pense effectivement que Cornelius, il aurait pu faire très très mal à la défense marseillaise. Alors, avant de passer à Marseille. Quelques petits, puisque j'ai des déclats de Costil, de Jovanovic et de Préville, je vous l'ai dit, avec du coup leur carton, seront suspendus. Petite déclaration de Jules Koundé qui dit, voilà, après le match, on est frustré, pour terminer sur Amiens, on est frustré, on a beaucoup subi et peu réussi à garder le ballon. On connaît leur jeu assez direct, donc on leur a pas assez mis la pression et on les a trop laissés jouer. La méthode Souza qui demande des automatismes, oui, mais ça passe par beaucoup de communication, je pense, car ce sont là plein de choses nouvelles, pour moi comme pour les autres. Quand on a le ballon, on joue à 3 défenseurs et 2 joueurs de couloir, mais quand on ne l'a pas, je passe sur le côté et je défends comme un latéral droit. Donc pour Koundé, c'est quand même... voilà, ça s'apprend. Ce sont des tactiques et des positionnements assez différents dans le jeu et sur phase arrêtée, avec de nouvelles consignes à assimiler, mais on y arrivera avec plus de communication et une meilleure implication, je pense. Donc, voilà, le petit Koundé est assez optimiste. Petite stat qui fait mal quand même, Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs. Alors, on n'en a pas perdu beaucoup, parce qu'on a quand même pas mal de matchs nuls. Mais quand même, on le rappelle, hein, sur 30 journées, 14 matchs sans marquer. Oui. Et 17 matchs, toutes compétitions confondues, sans marquer de but. Ça... Il y a l'extérieur, c'est la stade du nombre de victoires à l'extérieur, parce que je crois qu'on doit en avoir 2 à Guingamp et à Angers. Une seule victoire sur les 12 derniers déplacements. Bah, c'était à Angers. Exactement. Et avant, c'était Guingamp, je crois. Je préviens parce que. Et bon. 19e attaque de Ligue 1 devant Guingamp. Non, préviens pas. Oui, oui. Non, je préviens. Adrien. Non, il prévient pas. Quoi? Il prévient pas. Il poste et puis c'était. Poste. Ah, ok, prévient pas. Suivez-nous sur Twitter. Toujours. Des infos exclusives. Un petit point sur la Ligue 1. Toujours un partout Twitter. Entre Saint-Etienne et Nîmes. Oui, tout à fait. C'est la 46e minute. Donc c'est bientôt la mi-temps. Toujours un but partout. Et en Ligue 2, Lens et Le Havre. C'est toujours égalité. 0-0. Et ah, attention, messieurs. Attention. Et. Ça va commencer. Arsenal. Au bout d'un quart d'heure, mène face à Newcastle. Vous allez dire, on s'en fout. Mais qui a marqué à Arsenal? Mesut Özil. Non. Moi. Ça qui marque? Pas beaucoup. Non, bah non. Qui quel joueur ne marque pas beaucoup à Arsenal? Et en général, quand il marque, il se passe toujours quelque chose. Ah, il marque pas beaucoup. Enfin, il marque en ce moment. Et qui s'est fait hospitaliser aujourd'hui? Oh non. Il y a Mick Jagger, mon gars. Attention demain. Oh, mais attention Ramsey, demain. C'est bon, lui, et imaginez Mick Jagger, il meurt dans la nuit, ou genre demain, tu sais, il meurt à l'hôpital. T'imagines? Le mec, c'est. Mais en c'est plus, je crois qu'il contre Tottenham, il avait marqué qu'il y avait un mort derrière. Mais Ramsey, qui c'est qui est mort récemment? Luke Perry, le mec de Beverly Hills. Oui, je crois qu'il avait marqué. Ouais, il avait marqué contre Tottenham, puis il y a eu un mort le lendemain, puis après il y avait eu. Ah non, mais alors, allez voir sur internet si vous connaissez. Alors, c'est bon, je prends pas l'avion. Évidemment, la stat, on peut la faire. Vu que Messi et Ronaldo ou Mbappé marquent quasiment à chaque journée, la stat doit être valable, je pense, pour eux également. Je pense que si tu reprends les grands morts, évidemment, Messi doit y être. Oui, oui. À la différence, c'est que Ramsey, lui, marque pas beaucoup. Et que les rares fois où il marque, allez voir sur internet, il y a des articles, je crois qu'il en a. Il en a 11 ou 12 à son palmarès. Enfin, c'est la folie, oui, mec. Oui. Il a le pape, Whitney Houston. Enfin, bref. Donc, Aaron Ramsey. Une civilisation qui disparaît. Aaron Ramsey a marqué. Nous allons peut-être subir une lourde perte d'ici 48 heures. 24-48 heures. Allez. En espérant que non, évidemment. Est-ce que. Franchement, oui. C'est pas un poisson d'avril, c'est juste un souhait. On peut pas recruter Griezmann pour l'année prochaine, histoire de kiffer un petit peu. Non, parce qu'il va aller à Barcelone. Alors les poissons d'avril, il y en a pas eu beaucoup. Ce serait pas un bon choix de sa part. Hein. Ah ben apparemment c'est quasiment. Mais non, d'après le président de l'Atlético, Griezmann va rester à 1000%. Alors si tu veux. Oui, non, mais évidemment le président de l'Atlético, il faut qu'il bluffe aussi, quoi, parce que le président de l'Atlético, il est mignon, il va pas te dire il va 1000%. Partir. Ouais, je te dis, c'est du bluff. Griezmann, je pense que l'élimination là contre la Juve, ça lui a fait très très mal. Et après, voilà, il a fait tout le sketch l'année dernière. Ouais, il faut qu'il aille dans un autre pays. Il a fait tout le sketch l'année dernière. Je vais avant la Coupe du Monde, rappelez-vous, l'annonce. Ouais. Oui, il va l'annoncer, pas l'annoncer. Il a fait un clip, il a fait un mini-film. Enfin, c'était tout un bordel. Non, il va aller à Barcelone. Non, il aille au Bayern, ça lui irait bien le Bayern. Je pense non, que... au Bayern, non, il ira pas en Allemagne. Non, non. Mais c'est trop un football. Moi, je le vois bien avec Suarez, avec Messi. Avec Messi, les deux là. Griezmann au Barça, le Barça, il devient imbattable. Ça veut dire que ça devient l'attaquant qui fait les efforts défensifs. Fait tout. Non, mais avec Messi, je pense que les deux, avec Messi et Suarez. Mais ça irait pas du tout. Il y a la complémentarité, elle n'y serait pas. Messi, c'est le. Il a bossé avec Mbappé. Non, moi, je en suis équipe pas de France, voilà, ça sera son Giroud, et puis voilà, et il va distribuer. Et vous mettez alors, Griezmann et Messi dans la même équipe. Dernière, je suis pas d'accord. Dernière petite information. Bon Griezmann à l'Euro. Dernière petite information avant de passer à Marseille. Puisqu'on est le 1er avril, donc il y a eu plusieurs petites. Alors moi, franchement, moi je suis un peu déçu. D'habitude, depuis quelques années, ouais, franchement, dans des mieux et surtout, il y en a eu plus les années d'avant. J'étais un peu déçu. Alors concernant les Girondins, on en a relevé deux. La première il y a Thibaut aussi, qui en a fait un bien. Alors j'ai pas vu ce qu'il a mis Thibaut. Il a parlé de quoi Thibaut? Il a mis que Eduardo Macia ne venait pas et c'était Ricardo qui le remplaçait au poste de directeur sportif. Ça c'est pas con ça. Ça paraît un peu gros quand même. Mais c'est pas mal. J'ai bien aimé. Mais c'est pas mal, ouais. Eduardo Marcia, dont on nous annonce d'ailleurs, et ça c'est pas un poisson d'avril, qui devrait arriver prochainement, on nous dit. Donc, voilà. Puisqu'il est libre, hein, si je dis pas de bêtises, il a été libéré par Leicester. C'est terminé il y a quelques semaines. Donc je me demande pourquoi est-ce qu'il arrive pas à partir du moment où il est libre. Est-ce qu'il voulait lui laisser 15 jours de vacances? J'en sais rien, mais. Bon, après, peut-être que. Ouais, je sais pas, je trouve que ça traîne un peu. Pas une priorité non plus absolue, on sait qu'il va arriver, donc. Donc, le poisson, c'est le club qui a commencé. Alors, évidemment, c'était sur le forme humoristique, il n'y avait rien de sérieux, évidemment. Puisqu'ils ont. Alors, je ne sais pas où ils les ont fait faire les ballons, mais c'est plutôt bien foutu, je trouve. Moi, je n'ai pas compris, en fait. Ben, en fait, ils ont bâti. C'est deux ballons en un, en fait. On c'est-à-dire qu'ils ont faire collé. Trois. Ou trois. D'accord. Ils essayent de faire une technique pour qu'au final, Bordeaux et les adversaires soient à égalité. Voilà. Mais je ne sais pas comment ils l'ont fait, parce que franchement, c'est bien foutu. C'est un ballon, c'est comme un gros ballon de rugby. Quoi. À air à l'intérieur, puis ouais, voilà, c'est comme un très gros ballon de rugby qui doit faire dans les, je sais pas moi, 40 cm de long. C'est vraiment très très gros. Et les joueurs se sont amusés à. C'est quoi ? Je pense que c'était un bon moyen pour se blesser, surtout, tu vois. Oh non, à mon avis. Quand tu frappes dedans. Alors, ils mettaient un match particulier, ballon particulier, et les joueurs ont donc tapé des. Ouais, 5 minutes de vidéo, mec, t'enflamme pas. Hein ils ont fait 5 minutes. Oui, il y a 30 secondes de vidéo, mais c'est. Je sais pas, c'est le bon moment pour le. Oui. Mais ceci dit, mais moi je trouve que c'est pas con. C'est, limite, ils ont inventé un nouveau sport, tu sais. Parce que tu peux taper horizontalement, verticalement. Donc, limite, ils ont inventé un truc, sérieux. Moi, je trouve pas si con que ça. Marquer des buts, arrête. Hein. Arrête. Bah, ça s'appelle le rugby, vous verrez. En fait. Bah ouais, mais vous verrez. Ils ont trouvé le moyen d'avoir l'air con, c'est tout. Et le deuxième, alors bon, on va évidemment, je pense que vous l'aurez tous remarqué, puisque il y a une brève dans la journée, parce qu'on a des infos aussi à Girondin Analyse et aussi avec notre partenaire Girondin 33, dont on salue toute l'équipe, notamment Aymeric, Thibault, Julien, et je me rappelle plus des autres, mais on les salue. On nous a annoncé, écoute bien Johan, qu'un jeune joueur libre arrivé au FCGB dès cet été, tu sais, la politique du club maintenant c'est de prendre des jeunes. Oui. Et on nous annonçait donc l'arrivée d'un jeune buteur grec. Tous ceux qui jouent à Football Manager le connaissent. Le fameux Sirtakis Mikropénis. C'est nul. Oh si, c'est gavé drôle. Non. Alors, mais franchement, allez voir la brève, Rico, mais c'est un génie. La brève, elle est faite comme un vrai article, avec des vrais tweets, avec des vrais trucs et tout. Alors, c'est des tweets sortis du contexte, notamment un de Nicolas Paolorsi de RMC. Son nom, donc, ben, on vous l'a dit, Sirtakis Mikropénis, formé. Il est con, Emric. À Laomikonos, ce joueur, né en 2002, 1m75, 69 kg, donc évolue dans les équipes de jeunes du PAOK Salonique, dont l'équipe première est actuelle leader du championnat grec avec 10 points d'avance sur son dauphin, l'Olympiakos. Et puis, je crois qu'il affole les compteurs, puisqu'il a marqué 32 buts en 21 matchs et 11 en 5 sélections chez les U19. Oui. J'adore la phrase de fin. Micropénis est un crack parmi les plus courus d'Europe chez les jeunes. Rico il a été magnifique. Rico il s'est fait plaisir et il a été très très bon. S'il confirme sa réputation, son talent et ses stats, voilà peut-être malgré sa jeunesse le buteur qu'il manquait aux Girondins ces derniers temps pour la mettre au fond et débloquer des situations tendues. Merci Rico pour ce. C'est pas mal, j'allais dire pour ce 14 juillet, pour ce 1er novembre. Alors, on va continuer. On va accueillir tard au téléphone, en le temps de remercier Johan. On peut le garder, bref. On tourne, on a d'autres auditeurs qui appellent. Rapidement, Johan, sur Marseille, ouais. Moi, je pense que ça va être un match équilibré et je pense que c'est l'année où la série va s'arrêter. parce que Marseille a un objectif et nous, vu qu'on est chanceux, bah, je pense que soit on fait match nul, soit on perd 1-0. Mais je suis pas très optimiste. Je mettrai pas 10 euros sur une victoire de Bordeaux. Quoi. Hop là, attends, vas-y, je rallume le micro, on s'entendra mieux. Ok. Oui, tu disais quoi, Adrien? Pardon. Non, c'est Yoann qui parle. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Un petit prono rapide, allez. Bah, j'ai dit un partout, mais j'y crois pas trop. Et un buteur, alors, le buteur. Tu crois pas trop, bah, tu penses qu'on va perdre ou tu crois pas trop, bah, tu penses qu'on va gagner? Bah, j'y crois, je crois que la série va s'arrêter, quoi. Aïe. Je pense que. T'es pas le seul, hein, je te rassure. On remarque, tout le monde pense ça. C'est pas que je veux pas, mais, honnêtement, en tant que supporter, je dirais on gagne, mais en étant objectif, je pense que ça va être compliqué. Mais sinon, bon, allez, un partout, on va dire buteur. De Préville, tu vois, ce serait pas mal. Il avait déjà marqué comme l'année dernière. Il y a deux ans. Ouais, comme l'année dernière. Ça serait tellement mérité en plus pour lui. Tu vois, genre, on est mené 1-0. C'est la 94e minute. On y va. C'est terminé. Les Marseillais en tribune, ils commencent à sauter partout. Ils commencent à te faire des. Oh, Anki, oh, Niki, 40 ans. Et là, mon pauvre, votre, il arrive. Bim, un corner. Meilleure imitation d'un Marseillais. Un corner. Il met le pied, il met le tibia. Boum, pim, pam, pim, but. Et l'oreille. Tout. Ficelle. Et merci, au revoir, monsieur, dame. Parfait. Voilà. Ben écoute, merci Yoann d'avoir passé cette quasiment première heure avec nous et ben écoute, tu t'es le bienvenu comme toi, comme tous les autres évidemment. À chaque fois, c'est un plaisir de t'avoir. Merci Yoann, bonne soirée. Pas de soucis, bonne soirée. Bonne Yoann, semaine. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. On va continuer. Hop là, on va continuer donc à parler de. Ça sonne ou ça sonne pas? Ça sonne. Musique qui fait peur, pourquoi? C'est la mi-temps d'ailleurs entre Saint-Etienne et le Nîmes Olympique. La SSE fait match nul, un but partout à Geoffroy Guichard. C'est Bobichon qui avait marqué pour le Nîmes Olympique à la deuxième minute. Et Rémi Cabella qui a égalisé à la 25e. En Ligue 2, Lens et Le Havre sont toujours à égalité 0-0, c'est la 40e. Et en Angleterre, Arsenal, au bout de 25 minutes, mêle toujours 1-0 face à Newcastle, un but d'Aaron Ramsey. Oula, elle a du mal la musique. Oui, c'est pour ça, bientôt le CD ça va se prendre. Tu vois, quand je te dis il faut arrêter avec le CD, ça devient compliqué. Mais je la laisse quand même jusqu'au bout. C'est beau même quand ça crépite. Bordeaux. Non, je suis sûr que non. Bordeaux reçoit l'OM 31. C'est le début de la fin, comme pour vendredi. Ouais. Tant. 31. Oula. C'est la 31e journée, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Demain, oh là là, fatigué. On reprend. Vendredi, 20h45, au nouveau stade Relégalis, Matmut Atlantique, appelez-le comme vous voulez, de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux donc reçoivent l'Olympique de Marseille. Bordeaux 13e, 35 points, moins 3 de différence de but. Marseille 4e, 48 points, plus 7. Il y a que 13 points entre la 13e et la 14e et la 4e place. Je trouve que c'est pas beaucoup. Et que 13 points d'écart. En même temps, quand tu vois le parcours des deux équipes, ça fait flipper. Alors figurez-vous que les stats sont assez intéressantes, puisque Bordeaux à domicile sur les 4 derniers matchs, c'est nul, gagné, perdu, nul. Me demandez pas contre qui est le premier nul, je sais plus. Gagné, ça devait être je sais même plus. Perdu, si, ça devait être Toulouse. Perdu, ça devait être qui contre qui on a perdu le match en retard là. Le match ah oui non, Marseille. C'est nul contre Guingamp. Non, on a battu perdu qui contre Marseille. Non, Montpellier perdu. Ah, à domicile. Perdu Montpellier et nul contre Rennes. T'as fait nul contre Rennes, t'as perdu contre Montpellier, t'as gagné avant contre qui, je sais plus, je me rappelle pas. J'ai aucun souvenir et t'as fait nul avant contre Guingamp. Marseille à l'extérieur, c'est perdu, gagné, nul, perdu. Donc c'est pareil hein, c'est une victoire en 4 matchs, c'est pas non plus la folie. Marseille à l'extérieur, c'est 20 buts pour, 30 buts contre. Donc ils encaissent beaucoup de buts, ils marquent beaucoup, mais ils encaissent beaucoup. À l'inverse, Bordeaux à domicile encaisse ah, si 16 buts, si 16 buts en combien il y a eu de matchs à domicile pour l'instant 15, puisque on est à la 30e journée. Oui, bah, oui. On doit pas être loin. On doit être à 14 ou 15 matchs, ça fait plus d'un but par match, ça fait beaucoup. Les buteurs, alors là c'est marrant, puisque le meilleur buteur à domicile c'est François Camano avec 7 buts, le meilleur buteur à l'extérieur c'est Florian Thauvin avec 7 buts, et les moyennes de buts marqués pour Bordeaux à domicile c'est 1,33, et la moyenne de buts marqués par Marseille à l'extérieur c'est un 33, ce qui me fait dire qu'on va avoir droit à un match nul. Il y a eu quand même 59 confrontations entre Bordeaux et l'OM dans l'histoire de la Ligue 1. 34 victoires girondines, 20 matchs nuls et évidemment seulement 5 victoires marseillaises, puisque depuis, alors on va pas vous faire le coup de la série, ça fait 42 maintenant, 77, c'est ça, ça fait la 43e saison. Non. Bah si, 77. Non, ça fait 40... 43e Deux. Saison, je te dis. Oui, 43e saison. Donc forcément, la dernière victoire de Marseille, on l'a dit, c'est 77, mais au-delà des victoires. Je vous prends les 10 derniers, écoutez bien, les 10 derniers Bordeaux-Marseille, donc depuis 2008, 1-1, 1-1, 1-1, 2-1, 1-0, 1-1, 1-0, 1-1, 1-1, 1-1. Franchement, on ne peut pas dire que ce soit des grands matchs à chaque fois, on ne peut pas dire qu'on se régale, on ne peut pas dire, waouh, c'est la folie, c'est les 3-2, des 4-3, des... Ce qui me fait dire que, oui, ça va être compliqué, oui, je pense que actuellement tu surveilles Balotelli, il faut cadrer Balotelli et Thauvin et un de gros pas beaucoup et Sanson oui mais Balotelli il est en feu, il a joué 9 matchs, il a mis 8 buts, enfin, il est en feu, il joue en 11. Oui, mais bon. il marque, je m'en fous qu'il marche, mais s'il marche aussi il marche. Oui, mais je m'en fous qu'il marche. Il claque. Tu verras que il claque. Ça va durer 3 mois. Mais je m'en fous. Moi, je te parle de vendredi. Je te dis, Balotelli, c'est le danger numéro 1 à Marseille. C'est lui. Tu peux le canaliser. C'est pas mais un joueur qui marche, c'est pas compliqué. Tu peux le canaliser. J'en prends exemple le match qu'ils font contre Angers samedi. Ils font une première mi-temps très bien. Il fait une très grosse première mi-temps, Balotelli. Deuxième mi-temps, il est inexistant. Mais parce que les Angevins ont su le cadrer. Moi, je pense, bêtement, en plus, Bounassar sera pas là sur les débordements. Thauvin, si tu arrives à cadrer Thauvin, à cadrer Sanson et à cadrer Balotelli, je pense que si ces trois-là, tu te mets vraiment sur leur tronche, faudra quand même faire gaffe à un Valère Germain qui peut toujours partir dans le dos de la défense. Mais allez, à partir de là. Alors après, évidemment, offensivement, il va falloir qu'on produise beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement, parce que sinon, ça va être chiant. Ça va être... Pour moi, franchement, je vous le dis, hein, ça va finir voilà, un partout, 0-0, comme d'hab. Malheureusement, j'ai un truc qui me fait dire que, comme Johan, si la série doit s'arrêter, bah, je la vois bien se finir cette année. Alors vous me direz, on le dit tous les ans. Hein, on le dit tous les ans, surtout depuis 6-7 ans qu'on n'est pas bon. Donc tous les ans, on le dit. Rappelez-vous avec Yamberé, rappelez-vous. Non, mais à chaque fois. Marseille est déjà venu avec des équipes bien meilleures que ce qu'elle a là, face à un Bordeaux bien plus mauvais. Voilà, face à un Bordeaux bien plus mauvais que. Ouais, que, mais ce qui me fait ce qu'il est actuellement. Plus peur que les années précédentes, c'est que cette année, les joueurs ne sont pas du tout concernés. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a 3/4 qui savent qu'ils ne seront pas l'année prochaine et ils s'en foutent. C'est vrai. Ça reste un match en prime time à 20h45 dans un stade plein. T'as quand même peut-être envie de te montrer. Mais ils s'en foutent royal. On va continuer rapidement parce que je l'ai complètement oublié, le pauvre. On va continuer la discussion. Salut Tard. Salut. Comment ça va? Ouais. Ah, excuse-moi, tu dis pas que des conneries, je t'écoute. Je t'avais oublié, je me dis, oh le pauvre, il attend et on l'a pas mis à l'antenne. Ah, c'est intéressant, je t'écoute aussi. Bon, Marseille, alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je les vois pas aussi beaux que tout le monde les voit. Mais attention quand même. Je savais pas qu'il y avait une soirée. Ce soir, j'ai vu ça en ouvrant mon ordinateur. Je savais pas que vous faisiez une soirée. Bah oui, puisque vendredi on fera pas d'émission vu qu'on sera au stade, donc du coup on fait petit avant-match. Je voulais juste revenir si c'est possible sur le match qu'on a fait. Ouais, rapido. Je sais pas si vous en avez parlé ou pas. Ouais, si, on en a déjà parlé, donc fais rapide. Ben voilà, parce qu'il reste un quart d'heure et que. Je sais pas si vous vous rappelez de mon score, j'avais dit 2-1. T'avais dit 2-1, ouais. Oui, non, mais. T'étais pas loin. je voulais insister pour vous parler. C'est parce que j'étais resté sur l'impression que j'ai eue face à Rennes. Je me suis dit, on va que progresser. Oui. Et je sais pas si vous avez vu le match comme moi, et je trouve qu'on a régressé. Fin. Oui, mais c'était pas au match de Rennes, c'est deux matchs, sérieux, vous n'allez pas vous faire des avis sur deux matchs. Non. Les joueurs, c'est les mêmes, avec la même mentalité. Ceux qui ont un match, ils étaient à domicile devant un public, et la dernière fois, ils étaient à l'extérieur. Surtout que ton équipe de départ contre. L'équipe de départ contre Rennes, c'est pas la même que. Oui, non, mais... C'est pas vraiment la même que ce que t'as vu hier. je suis en train de me poser des questions aussi. Cependant, mais je sais pas dans faire le film, mais je sais très bien que Bordeaux, c'est pas le PSG. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais simplement souligner ça, parce que quand j'avais donné son résultat, j'étais persuadé qu'on allait hausser notre niveau, on allait oui, en mettre au moins deux. Que tu allais voir. Ça, alors, voilà. les enfants, il peut y avoir énormissime catastrophe dans les heures qui suivent, puisque Aaron Ramsey a marqué un deuxième but et Arsenal mène 2-0. Donc là, c'est pas seulement Mick Jagger, c'est peut-être tout le groupe. Peut-être que ça s'annule. Ah ou je sais pas. Mais là, c'est Mick Jagger et tout le groupe des Rolling Stones hein, qui y passent. Faut le souhaiter, il y a pas... la violence du truc. Non, mais mince, je sais plus ce qu'on disait. Oui, toi, t'attendais de voir... Parce une progression par rapport à Rennes qu'on n'a voilà, pas vu. Quand j'ai dit ce c'est pas parce que je me suis enflammé, je me suis dit ils ont fait une très bonne prestation, de surcroît on marque, ça fait longtemps qu'on n'a plus marqué, je signale quand même à tout le monde. Ah ça fait depuis depuis Camano non. Montpellier. Non mais non ouais. Le contre Rennes t'as fait un partout. Ouais, que t'as pas... mais bon, après c'était un but un peu à l'arrache, oui, on est d'accord. Moi quand je voilà, c'est ça s'appelle ça des buts, ouais, bah, oui, ça on voit qu'on aurait marqué ça à Amiens, j'aurais pris quand même hein. Oui, voilà. Oui. Tu mets le même à Amiens, tu gagnes 1-0, on prend hein. Exactement, mais t'as vu ce qui me manque Sankaré? Bah, il manque oui. Il manque, mais oui, mais si on va par là, l'Amiénois, il manque aussi hein. Ah non, mais je te parle mais là tu es sixième hein. C'est au fond. Oui. Tu leur coupes les jambes, les mecs, hein. Et toi, tu joues plus de la même façon. Mais si jamais il marque, c'est pareil, hein. Non, mais tu joues plus de la même façon. On s'en fout, on a été nuls sur le match. On va même pas parler de ça. Une occasion en 90 minutes qu'elle arrive à la 20e ou à la 90e, ça doit rien changer à l'analyse. On a été bidon, c'est tout. Point c'est vrai que l'analyse, on n'a pas sur le pas un tir cadré. Pendant 93 minutes ou 95, fois, on a joué. Tu n'as pas une seule t'as occasion. T'as 5 tirs, 0 cadré. T'as une occasion. Ouais, il n'y a que le jeune croate là, qui frappe, mais Basic. Bon, elle n'est pas cadrée, c'est dommage. Non, mais c'est ça. Ah, c'est la frappe de Basic, moi je la vois partir, je lui fais ouais, yaï, ça peut aller, et non. Eh ben, elle tourne mais à l'extérieur, si elle tourne à l'intérieur, il y a du net. Hein. Mais bon, c'est un jeune, bon, on peut pas. Mais maintenant, il y a un truc qui me surprend, c'est qu'il y a des joueurs qui n'était pas aligné d'entrée, je sais pas pourquoi. Je pose la parce question. Qu'il y en a qui ont été testés avant le match de Marseille. Si vous êtes à la place de, oui. De Souza, il fait ses tests. Exactement hein. Ça. En fait, Marseille, c'est le match où je dois avoir les plus motivés sur la pelouse. Tu crois? Ah ben moi, franchement, il n'y a pas de raison. Vu la compo qu'il a faite, je vois pas d'autres explications. Je mets pas. Il n'y a rien, mais rien. Mis à part peut-être une gêne musculaire qui fasse que Briand soit pas titulaire surtout, sur ce match-là. Surtout que Marseille, après sa contre-performance du week-end... Putain, enfin, Choupo Moting, il nous a fait une... Oui, il en a fait une belle aussi. Une ouais. Attaquant d'un faut, centre de Maurice faut quand même, faut quand même rappeler que ça. Marseille menait 2-0. Marseille s'est fait rattraper à domicile par Angers sur deux pénaltys. Et Rudy Garcia a dit en conférence de presse, il dit voilà, alors bon, je pense que on va rattraper l'extérieur. Oui, mais je pense que l'erreur qu'ils font quand t'as 8 points de retard à 8 journées de la fin et que tu dois encore jouer Lyon, je pense que l'erreur que fait Marseille, c'est de croire encore à la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Et c'est foutu, pur. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils gagnent 3 matchs pendant que dans le même temps, Lyon qui et Lille, voilà. Perdre 3 matchs, ce qui leur est pas arrivé quasiment depuis, alors pas le début de saison parce que Lyon ils ont fait un début de saison foiré, mais depuis janvier on va dire. Je pense qu'ils font l'erreur Marseille de dire c'est encore jouable, peut-être pour faire plaisir aux supporters, pour j'en sais rien moi, pour voilà. Attention, pour dire... par contre, je te coupe, hein. Ici avec les potes là qui sont pour Marseille, hein. Je parlais avec eux, j'ai dit, moi je pensais pas que Lyon gagnerait à Rennes. Oui, non, oui, si, oui, jamais, si jamais ils perdent là-bas, Lyon et que vous... ou que Lille, Lille battrait Nantes en étant mené 2-0. Non, ça laisse-moi finir. J'ai dit simplement, parce qu'ils partaient, Lyon allait à Rennes. Que Rennes, c'est une belle équipe chez eux. Et qu'en même temps, Marseille recevait. J'ai dit, si jamais ils s'écroulent, comme ils perdent Lyon à Rennes, ce qui était... ça aurait pu arriver. Et que vous gagnez Angers, je vous pensez que vous allez les battre Angers. Ils revenaient à 3 points quand même. Oui. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Eux, se démerdent de se faire rejoindre. Moi, je sais pas si t'as le en début d'émission, je disais moi personnellement, ce que j'attends vendredi, c'est même pas une victoire. Enfin, évidemment, si on gagne, je serai content, bien sûr. Je vais pas vous dire que je serai pas content si on gagne. Moi, tout ce que j'attends de voir vendredi, peu importe le résultat, gagné, perdu. Parce que perdre, franchement, faut arrêter avec cette série. C'est bon, ça nous faisait marrer tant c'est que vrai, c'était les ça sera fait. Il y a un jour, ça va tomber. C'est tellement bidon. Il y a un jour, ça va tomber. Donc, peu importe. Remarquer que Marseille est impliqué dans deux séries comme ça. Puisque de la même façon, Marseille ou Saint-Etienne n'a pas gagné à Marseille, ça. Ou Marseille n'a pas gagné à Saint-Etienne depuis 42 ans. La planète est tellement en train de se détruire. Mais pour vous dire où on en est tombé, Bordeaux. Le t-shirt, je crois qu'on en a parlé. On en a parlé lundi. Ça, c'est une connerie, on en a parlé vendredi. Attends, on est quoi là? Arrêtez, y a pire. On en a parlé. Non, mais Marc. Attends, Marc, deux secondes. On s'est outrageusement et à juste titre moqué du mug des Lyonnais après leur victoire face à Paris il y a 2 ans. Très bien. Attends, laisse-moi terminer. Oui, tu me laisseras réagir par contre. Attends, tu me laisseras réagir. Je te laisse réagir. Okay. On se moque, et je fais bien moi de me moquer des Marseillais qui font les cacous avant chaque PSGOM. Depuis 10 ans, ils prennent cucu rouge à chaque match et tous les ans, ils reviennent à faire les tranches de cons, les joueurs sur Twitter avec l'autre con de paillé là. Il met des lions, des machins, et à jamais les premiers mes couilles. Tous les ans, ils prennent une savate et tous les ans, ils passent pour des cons. Je n'ai absolument rien contre le fait que le club chambre. T'as le droit de chambrer de club à club, ça se fait, hein. Nantes le fait, Toulouse le fait. Mais tu le fais pas avant, tu le fais après. Parce que si tu le fais avant, tu passes pour un gros blaire et on passera pour des gros blaires si ça se passe comme ça. Tu fais après le match, 0-0 victoire, évidemment, hein, même en cas de 0-0, petit t-shirt, 42 ans dans ton cul si tu veux te faire plaisir, hein, voilà. 42 ans qu'on te le met droit dans ton but si tu veux, voilà. Et tu mets de l'huile et tu le vends ton t-shirt, mais pas avant. Je suis désolé. Il y a des choses dans la. Enfin, moi je suis désolé. Il y a des choses. Marc, il y a des signes. Moi je suis pas. Croyant. Je crois en rien. Je vais te reprendre sur un truc. Vendredi, tu as dit chétan, c'est ça? Oui, je te dis, mais tu sais ce que ça veut dire, ça m'a fait plaisir parce que t'as dit encore un autre mot en arabe. Ah, je sais plus, peut-être, je me rappelle plus de tout ce que je dis. Ouais, mais il s'est passé le week-end entre temps tard, moi je me rappelle plus de ce que j'ai dit vendredi. Non, mais j'ai une mémoire pourrie, je me rappelle pas ce que j'ai dit. J'ai rigolé tout seul, tu sais. Oui, je te dis, tu vas t'attirer l'œil, oui, ça c'est sûr. Moi, je me rappelle pas, je me souviens pas. On reprendra les bandes. Ah non, ça a pas marché. Non, mais tu vois ce que je veux dire, Marc, pas avant. Et en plus, tu chambres quoi? Tu chambres le 4. Alors certes, ils sont pas bons, mais tu chambres le 4e, t'es 13e. Qu'est-ce que tu chambres quoi? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça minable. Franchement, je trouve ça naze. Et en plus, franchement, elle est où la vanne? Elle est où la vanne? Ah ouais, t'as dit Psartek. Ah oui, voilà, c'est ça. J'avais dit Psartek. Elle est où la vanne? T'as une boîte de sardines ouverte, mets de l'huile. Elle est où la vanne? Franchement, elle est où la vanne? Où est la blague? Où est le chambrage? C'est quoi le chambrage? C'est quoi? C'est une pub. Mais non, tu mets de l'huile pour que cette barre se meule à la défaite. Mais c'est nul. Ouais, la défaite passe mieux que des bonnes choses. Non, il y a. Alors, que attends, deux secondes, vas-y, Marc. Alors, je trouve pas le t-shirt fabuleux dans le sens où. Je vois pas où est la vanne, je vois pas ce qui est drôle. Il est pas beau, il est pas réussi, etc. Bon, ça, c'est un point. Donc, je ne fais pas partie des gens qui l'achèteront. Par contre, tu peux pas dire. Trouver que ça a été ridicule ce qu'a fait Lyon et dire on va attendre de gagner pour sortir le t-shirt. Dans le sens où. Si ça t'évitera de passer pour des gros blaires en fait. Tu vois si. Ou des gros blaireaux. Laisse-moi finir. Mais c'est facile de la faire quand t'as gagné. C'est tellement facile. Non, deux secondes, je vous ai entendu parler, je parle. C'est facile de faire la blague une fois que t'as gagné. Tu prends aucun risque. C'est comme le mec qui dit. Qui sait qu'il se mouille pas, qui partira en soirée et qui à la fin te dit ah, j'ai serré. Mais c'est... Marc, ça s'appelle l'humilité. Voilà, c'est tout. Mais non, ça mais s'appelle c'est l'humilité. T'es dans le chambrage, tu chambres pas après. Si t'as un peu de couille, mais t'es un pas peu obligé courage, de chambrer. Mais t'es pas obligé. T'es pas obligé. Tu peux fermer ta gueule, travailler, leur mettre donc, une branlée. Voilà. Là, t'es pas obligé de le faire. Ça aurait été plus intelligent de ne pas le faire. Et c'est là où je suis d'accord. C'est pas quand t'es 13ème. Au fur et à mesure de ta. Voilà, quand tu vois ta saison. Aïe. Fais profil bas, finis là, prépare la saison prochaine de, et tais-toi. De la même façon ça, que Marseille qui chambre Paris et qui prend une branlée, à un moment donné, ferme ta gueule. Ils ont 25 points d'avance, ils te défoncent, ils ont 30 points d'avance, tu te tais, c'est tout. Ça, on est d'accord, j'ai aucun souci là-dessus. Maintenant, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que bah, quitte à faire une blague, quitte à vouloir chambrer, bah, soit t'as les couilles de ce que tu fais et tu le fais avant et t'en assumeras la conséquence si jamais tu perds, mais tu chambres pas après parce que après c'est nul, c'est quand tu connais le résultat c'est débile, c'est plus du chambrage. Non juste bah si non justement mais c'est non, encore meilleur mais non c'est parce pas que quand meilleur, tu leur as donné bah imagine bah tu leur nul, redonnes bah, le compte bah, vendredi soir tu leur remets une tannée. Tu dis alors voilà bah, allez qu'est-ce qui voilà bah, là, voilà vas-y envoie parce que l'arrogance. Moi, c'est moi, clairement, hein, c'est de l'arrogance et de l'irrespect total. J'appelle pas ça du chambrage. L'arrogance, le chambrage, c'est pas l'arrogance. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, pour moi, ça, c'est de l'arrogance. C'est ok, on alors verra. On verra vendredi soir. Pourquoi c'était nul? Non, mais après, ils auraient pas dû la faire. Mais pourquoi c'est nul, alors, dans ce cas-là, quand c'est Paris qui fait le chambrage après avoir fait le après le match, ils ont attendu mais de savoir j'ai pas si gagner. Moi, j'ai pas, ben j'ai pas trouvé ça nul. Moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai pas trouvé ça non, nul. Tu les as cités comme parfait exemple de trucs que t'avais trouvé pourri. Alors après, j'ai peut-être non, très pas, mal compris. Je pense que t'as pas compris. Alors oui, parce que j'ai trouvé pourri quand les Marseillais avant chaque non, veille. Tu parlais de Lyon. Oui, Lyon qui a fait le mug. Ils ont fait le mug. Oui, parce que quand tu fais le déjà faire le, c'est pas du chambrage. Quand tu fais un mug, parce qu'une fois dans ta vie t'as battu le Paris Saint-Germain en 12 ans, je suis désolé. Si encore tu les bats en finale, si encore tu les bats en finale de coupe, mais, allez à la limite, ça fait un souvenir. Sébastien. Oui, je t'écoute. Allô vas-y, parle tard. Ouais, je vais rejoindre un peu Marc aussi. C'est un peu comme le mec qui fait les paris, mais après la course. Oui, voilà. Oui. Voilà, c'est tout, mais bon, je suis d'accord avec lui, mais ou tu chambres avant, ou tu chambres, ou tu fermes ta gueule, c'est tout. Mais bon, enfin, selon moi, hein. Mais par contre, il y a Eric Dimeco, quand il a fait la sortie, merci. Comment tu l'appelles, la paillette, sur RMC, il a dit c'est une honte. Parce que là, les mecs, ils se sont pris une claque face à Manchester, ils en a une, et l'autre, il ouvre sa gueule juste au mauvais moment. Oui. Et ben ils ont encore le pénalty. Et ils sont encore passés pour des cons pour la 12e voilà, année d'affilée. Mais voilà. C'est pour te dire, c'est l'autre le Marseillais, c'est Dimeco qui dit qu'il aurait dû fermer sa gueule. Évidemment, mais bien sûr. Et c'est là où je ça s'appelle l'humilité. L'humilité. Oui, mais, bon, il dit ça, mais il joue même pas, il est remplaçant, il a perdu sa place à l'autre. Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, j'aurais tellement trouvé plus classe un truc. Franchement, oui, ça, Marc, ça m'aurait moins choqué si on était 3e ou 4e ou 5e ou à la lutte. Ouais, allez, à la limite. Là, t'es 13e, t'es largué, ferme-la. On bosse, on travaille et on se tait, c'est tout. C'est passé. Moi, j'étais dans un truc. Ils m'ont toujours chambré de Marseillais. Même quand on leur a mis 4-0 à 20 minutes, là, l'année du titre, en 99. Oui. Moi, ils m'ont pas entendu leur dire. Mais je dis, vous avez pris une leçon de football, je sais ce que j'aurais dit. À ce jour-là, oui, c'était... Je dis, vous avez pris une leçon de... Je n'ai pas dit la foudre ou quoi, je vous avez pris une leçon de football. Mais tu sais que j'ai revu le truc de Canal, il y a des trucs que j'avais alors oublié. Hier soir, la rediff de J+1, si vous ne l'avez pas vu... Non, mais tu vois, il y a des trucs que j'avais oublié. Il y a tout j'avais un reportage sur le titre. Qui jouait Marseille, qui jouait Paris. Ah, putain, moi, je veux dire que je ne l'ai pas oublié. Je veux dire que le Lens-Bordeaux, en même temps... Tu veux, donc j'avais pas la télé, j'avais pas Canal, sur le, pas je l'écoutais dans ma chambre, sur mon poste radio. J'écoutais déjà RMC, je crois, à l'époque. Et j'écoutais le multiplex. Oui. Pour moi, ici, là, qui m'ont dit, ouais, Paris, vous avez donné le match. J'aurais dit... Non, mais j'aurais dit, mais attends, avant l'émission d'hier, je dis, quand nous, on était menés à Lens, vous avez pris trois points d'avance. Ça c'est les Marseillais qui se disent dans leur tête, Paris nous ont donné le match. Quand tu gagnes 3-2, que Paris te font chier à revenir deux fois au score, alors dans ce cas-là, on va leur dire, Marseille, le titre, ils le perdent. Chez nous, quand ils prennent 4-1, ils le perdent. Chez eux, quand on fait 2-2, ils le perdent au Parc. Mais ils le perdent sûrement pas à la dernière journée. Non, mais justement, c'est là où je voulais argumenter. C'est que chaque fois, ça disait, je leur ai dit, quand nous on était menés à Lens, vous avez ouvert le score au Parc. Oui. Vous avez 5 points d'avance sur nous. Et à ce moment-là, on était menés. Et après, la magie de Michael Madar et Bruno Rodriguez a fait que, c'est parce qu'ils se font retourner par Madar et Rodriguez quand même. Non. Simonet. Et Simonet, t'as raison, Simonet et Rodriguez. Marco Simonet. Et Rodriguez, Et Adelton. Oui, alors lui, il n'a jamais marqué de but. Et contre nous, il en met. Non, c'est Rodriguez qui met le premier et c'est Adelton qui met le deuxième. Non, il fait un doublé ce con, le portugais là. Pas contre nous. Au Parc, c'est contre C'est Rodriguez qui met le premier. Contre nous, c'est Rodriguez qui réduit le score. Non, mais. Si. Ah ouais? Oui. Quand Vultor dit marque. Oui, c'est Rodriguez qui met le premier. Je te dis, c'est Bruno Rodriguez. Ah d'accord. Et Adelton, il met le deuxième. Et Adelton, il met le deuxième à 2-2 à la 77ème. Il mettait pas un pied devant l'autre. Il est pas très très bon. Oui. Il était pas très très bon. On va revenir quand même parce qu'il reste que 5 minutes d'émission. On va revenir sur le match de vendredi. Bon, le chambrage, le machin, tout ça. Ok, maintenant on fait quoi vendredi? Est-ce qu'on aligne la même équipe que. Dispositif, on aura le 3-4-3, 3-5-2, pardon. Ça, on va pas y échapper. Mais t'as écouté tous nos joueurs là? Parce qu'apparemment, ils ne comprennent pas le alors, justement, de mise en place. Et bien alors, justement, Benoît Costil, qui dit tout de suite en réaction Damien, alors il parle Damien, il dit voilà, on n'a pas été très bon, on a manqué de justesse technique. Mais il y a surtout de la déception, il dit maintenant, c'est Marseille qui arrive et il faudra bien travailler à l'entraînement dès le début de la semaine. Pour arriver au top contre eux, ce match est important pour les supporters et pour nous, alors on doit travailler. Et continuer à progresser pour arriver vendredi contre Marseille dans les meilleures conditions. On doit progresser tactiquement et avec le ballon, car c'est ce qui nous est demandé pour prendre de la confiance. On jouera vendredi une équipe de grande qualité. Alors il faudra qu'on soit meilleur dans tous les domaines et mieux armé. Et pour terminer sur les déclats, Paulo Souza, qui a apparemment aurait dès la fin de c'est le site c'est le compte Twitter du FCGB qui partage ça où dans l'avion retour de Amiens il était déjà en train de il motivait déjà toutes ses troupes pour la réception de Marseille en insistant sur le levier de la représentation de la ville et du respect de l'histoire du club. Cette phrase est un peu bizarre, mais donc apparemment, dès là, il y a une petite vidéo là sur. Je suis en train de l'ouvrir. Oui, bon, ça dure 2 minutes 17, hein, on va peut-être y aller tranquille. Mais voilà, apparemment, dès la fin d'Amiens, il a tout de suite plongé les gens. Dans le bain. Après, Paulo Souza, des matchs importants, quand il a entraîné les clubs étrangers, il en a connu, surtout quand t'entraînes en Grèce et en. Je sais pas où il était. Non, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de chevaux de course. Il faut s'en rendre compte de ça. Le problème, c'est que là. Oui, mais alors. Si t'as écouté le truc jusqu'au bout, de Préville, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, je joue régulièrement, je joue de plus en plus, mais en fin de compte, j'ai l'impression qu'il peut jouer Milan, lui. Il marquera jamais. Ouais, mais hormis. Franchement. Honnêtement, il faut pas non plus voir tout noir ou tout machin. Hormis Balotelli, Thauvin, allez, je mets Sanson quand même au-dessus. Quel joueur à Marseille est un ou deux crans au-dessus d'un Bordelais? À part les trois joueurs que je viens de vous citer, Sanson, Thauvin et Balotelli. Et peut-être Germain. Mais Sakai. Tout à l'heure à Marc de Pachamoy. Ah oui, Sakai. Allez, 4. Ouais, enfin, 4 sur 20, ça fait quand même pas. Mais attends. Oh, vous me ferez pas croire que Rami, il est meilleur que Pablo. Pablo, c'est plus le même, hein, je te signale. Oui, mais Rami, c'est plus du tout. Ouais, Rami, c'est plus du tout le même non plus. Oui, depuis la blessure qu'il a eue, c'est plus le même. Je suis pas sûr que Mandanda ou Pelé soient aussi bons que Costil cette saison. Pelé, je t'explique, pour moi, Pelé, il est meilleur que Mandanda. Hein. Ah oui, oui, bah, c'est vrai que Mandanda, le pauvre, il est un peu en... Quand l'année dernière, quand il a été blessé, t'as vu le match qu'il a fait gagner, les points qu'il a fait gagner. Ouais, il est un petit peu en... Il est un petit peu Mandanda, là, c'est un petit peu compliqué, la non, fin. Il est à la rue. Non, mais ce que je... à la limite, il vaut mieux qu'il joue Mandanda contre nous. Mais ce que je veux te dire, encore faut-il que nous, on ait des frappes cadrées. Parce que je te signale que quand même, moi j'ai pas envie de, de m'apesantir sur Marseille, je m'en fous. Parlons de Bordeaux, parce que là, il y a quand même, là, on est en train de nous dire si et là, moi les joueurs, là, même si tu veux pas entendre parler de comment dire, de la série, eh bien moi je préfère que ça continue, tu comprends? Ah ben évidemment, ah non mais attends, j'ai dit je veux pas entendre parler, évidemment que j'aimerais que ça continue, bien sûr. Le problème c'est que là, j'ai comme l'impression que il a raison, je crois que c'est Marc qui a dit ça tout à l'heure. Le mec, le scapulaire, ils l'ont pas dans la peau. C'est pas des gournées ou des. Oui, ou mais vous croyez, mais vous croyez que Strootman, il a le Marseillais dans la peau? J'ai pas dit ça. Eh ben ouais, non, mais attends, c'est pareil pour les mecs d'en face. Mais écoute-moi, écoute, je te dis un truc. Strootman, à son salaire, c'est pratiquement la moitié de l'équipe de Bordeaux. Oui, d'accord. Je préfère pas l'avoir, moi, tu vois, parce que ça serait le feu à la maison. Je pense que... Oui, mais il faut pas focaliser que sur le négatif de notre équipe. Mandanda est très attaché à l'OM, comme Plasil est très attaché à Bordeaux, ou Thauvin, mais honnêtement, je pense pas que Balotelli, il est OM tatoué sur le cœur, hein, d'accord. Le mec, il est arrivé il y a deux mois. Je pense pas que Payet ou que des gars comme Strootman, ou Karatassar, ou Tchaletassar, qui d'autres, des gars comme ça, je pense pas qu'ils soient marseillais, tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est pour rebondir sur ce que disait Marc tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est, quand je te dis ça, normalement, si tu es sérieux, si tu es professionnel, que tu joues, que tu sois bordelais, ou tu viens de Paris, ou je sais pas, moi, tu joues le jeu, tu es payé par ton club, tu as le maillot, tu le bout, tu te bouges. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Souza, il te dit, on va rappeler qu'il faut jouer pour la ville, pour le club, pour les supporters et tout, ben, moi, je voudrais quand même leur rappeler que les mecs, je sais pas d'où ils viennent tous. Mais c'est pas de Bordelais, les trois quarts. Oui, mais. C'est ça que je veux dire, c'est parce que. Mais oui, mais t'avais qui de Bordelais? Mais t'avais qui de Bordelais en 99 à part Grenet qui était basque? T'avais qui en 99? T'avais Pavon qui était du. T'avais Pavon, Mikou qui était de Cannes. T'avais Pavon qui était du sud. T'avais Savelgic qui était serbe. T'avais. Non, mais Darrocha il jouait pas, arrête. Oui, il y avait Darrocha, mais Darrocha il jouait un match sur 10. Oui, T'avais Ramé qui était angevin. T'en avais aucun qui était de Bordeaux, à part Lasland. Si, t'avais Lasland. T'avais Lasland. Diabaté. Non mais oui, d'accord, mais non, dis pas que la Sina Diabaté, il est bordeaux. Non, enfin, pas la tout Sina, le respect alors, que j'ai pour la Sina. Ce que j'ai, pas bon. Bah, peut-être pas bon. La Sina Diabaté. Mais oui, le milieu de terrain. Oui, la Sina Diabaté. Excuse-moi. Oui, la Sina, mais tu me dis qu'il n'y a pas de bordelais. Comment, ouais, non, mais il y avait Kiki Moussampa, il y avait Ali Benarbia, me dis pas que c'était des bordelais. J'ai pas dit ça. Il y avait plus de non-bordelais que de bordelais. La femme, il est bordelais déjà. Oui, et ben c'est pareil, moi cette année dans cette équipe, je vais te sortir Pungé, je vais t'en sortir hein, des mecs qui sont formés ici et qui ont le Plasil, des gars comme non, ça, oui, ben voilà, il y en a aussi 3-4. Je voulais simplement te dire, c'est pas, je te fais pas un reproche. Hein. Non, mais je sais bien, mais c'est que je trouve pas qu'il y ait si grande différence. J'espère me tromper, mais j'ai pas envie que, comment tu appelles Souza, commence à se cacher derrière les mots. Ah oui, bon. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Non. Après. Comme tu l'as très bien souligné, Balotelli n'est pas marseillais. Comme tu l'appelles, Sartic, il n'est pas marseillais. Il n'y en a pas un qui est marseillais là-bas dedans. Putain, on l'a oublié, lui. Oui, non, mais je veux dire, oui, mais tu n'en as pas un qui est marseillais. Tu as peut-être le petit jeune. Bah, tu as Maxime oui. Lopez. Tu as Maxime Lopez. Oui, tout à fait, oui. Lopez et Camara. Et Camara, oui, voilà. Voilà, mais c'est toutes des pièces à rapporter. C'est ça. Ce que je veux te dire par là, c'est moi, pour revenir à Bordeaux, parce que ce qui m'intéresse, c'est que après le match face à Rennes, que j'ai été satisfait, je sais pas comment t'expliquer, j'ai comme l'impression qu'on a joué 3 heures sans pouvoir se créer une occasion, et ça m'emmerde, voilà, c'est tout. Ah oui, non, mais oui, Amiens, c'était... C'est même pas une impression, c'est la vérité. Amiens, c'était clairement ça. Pour terminer, parce que le temps passe très vite, avant de passer au prono, Marc, ta compo pour ce match-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, les trois même derrière, Palencia, s'il est remis de blessure, Pungé. à gauche, Otavio Basic, Plasil. Je vais vous couper, les gars. Attends, laisse-le finir, après je te redonne la parole. Et il m'en manque. Il t'en manque deux devant. Donc ça va pas spécialement si je joue avec deux pointes. Et dedans, je mets. Comment il s'appelle ? Merde. Bellion. Voilà. Brillant. Non, je dis rien. Ouais, voilà. Fallait qu'il trouve tout seul pour travailler Brillant sa mémoire. Brillant et Dupré. Où est Tard ? Tu voulais rajouter quelque chose ? Sankaré, Camano, Caramo, tout ça. Sur le banc. Tard, tu voulais rajouter un truc ? Après, on passe à Adrien. Ouais, je voulais simplement dire. Pour moi, là, à Bordeaux. Là, il faudrait quand même que, comment tu l'appelles, Souza, je pense, hein, cette forme de je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il fait jouer en trois défenseurs, quand ils ont le ballon, et quand ils contre, c'est à 4. C'est une forme de 4-2, mais modulable. Sauf que là, tu les attends les uns derrière l'autre, les bordelais. Le micro, Adrien, ça va être de la radio. Ah, mince. Hey. Oui, donc, vas-y, ouais, sauf que à écouter ce que disent les Bordelais, apparemment, ils se disent, oui, on est en train d'assimiler le truc, il faut qu'on se parle plus. C'est-à-dire qu'eux, ils vont se retrancher là derrière encore. Ben non, mais en même temps, on peut pas nier que un changement de système, ça se fait pas en deux semaines. Ça fait que deux semaines qu'il est là, Paulo Souza. Donc, c'est pas se retrancher derrière, c'est dire aussi peut-être une vérité qui est que, ben, oui, ils sont en train d'apprendre des nouvelles choses et ça se fait pas. Et ça se fait pas comme ça, et ça se fait pas du jour au lendemain. C'est peut-être une vérité aussi, c'est pas forcément une excuse, tu vois. Ah, bah oui. Adrien, ta compo. Ma compo, donc je vais mettre Cossil à droite dans un 5. Bon, ok, la même que Marc. 3-4-3. La même que Marc, Palencia, Pungé et les 3 du milieu. Jusqu'à là, on va, parce oui, qu'il faut avancer okay. Un peu. Ok. Otavio Basic. Ok. Donc ça, pareil. Camano, Brillant de Préville. Non, mais t'as un mec en trop, là, garçon. Non. Bah, si t'en mets 5 Camano derrière et que t'en mets 3 au milieu, ça fait 8, tu peux pas en mettre 3 et devant. Mais j'enlève. Oui. Oui. Oui, j'ai un joueur en trop. Ah merde. Bon, Otavio Basic, et après, donc, les deux de devant. Non, Otavio, et je mets. J'enlève Basic, je mets Camano à place. Ok. Petit jingle prono, et on termine. Quel est votre pronostic ? Pronostic ? Oui, votre pronostic. Une boucherie. Tard ! Boucherie ou pas boucherie vendredi ? Je sais pas quoi dire. Ah bah oui, tu peux je sais pas un nul une tu peux ne rien dire hein, si t'as pas envie de donner un score parce que tu le sens non, pas non, hein. J'en ai marre de me tromper quoi. Ah non, tu t'es pas toujours trompé. Oui d'accord, mais bon, je sais pas, bon, on va dire un nul, mais là, par contre je sais pas si ça serait nul avec des zéros ou avec des un partout. Au moins un 2-2 ça me va bien. Non, Marc, mais c'est nul quand même quoi. Ah bah oui, mais bon, si on peut s'enflammer un peu c'est bien. Marc. Allô, Marc. Allô. Marc. Allô. Putain, on l'a Marc, perdu. Marc, on a perdu la connexion. Non, désolé. Allô, Paris Bordeaux-Lemans. J'ai le droit de pas pronostiquer parce que j'ai pas envie de porter la poisse. Franchement. Comme moi, tu vas dire ce que tu aimerais. Pas ce qui va se passer. Moi, parce que moi, je vais vous dire ce que j'aimerais. Je vais pas vous dire ce qui va se passer, mais je vais vous dire ce que j'aimerais. Alors, ce que j'aimerais. Oui, à la 94e, on connaît un penalty pour nous. Par exemple. Ne pas perdre. Non mais voilà. Moi j'ai plus loin que ça. À la 93e, un pénalty pour nous. Et mieux que ça, un pénalty inexistant validé par la VAR. Ah. Alors tu perds 1-0. Ah ouais, mais, alors là ça serait magnifique. Rêvez pas, on l'a connu le plus beau Bordeaux-Marseille, c'était celui quand ils étaient sous Bielsa. Celui-là, il y a tellement d'erreurs d'arbitrage, tellement ce but de Yambéré qui sort de nulle part. Ah, tu dis ça parce que t'as pas connu celui de 99, mais je te garantis ironique, celui de 99. Mais... Ah oui, j'espère, oui, parce que parce je te garantis que... celui de 99 pour lui arriver à la cheville, mon mais pauvre. Oui, oui. Enfin, quand t'es bordelais, parce que quand t'es marseillais, tu t'en souviens. Oui. En mal, mais tu t'en souviens. C'est pas le meilleur. Tu sais que 99, certains Marseillais, même s'ils avaient la rage contre nous, eh ben, je peux te garantir qu'ils ont admis. La supériorité Ah, mais ce soir-là, il n'y avait pas. Quand tu prends 4-0 au bout de 25 minutes, de 25 minutes, 30 minutes ou 20 dit. Minutes, oui. Il n'y avait même plus de discussion. possible. C'était voilà, il y avait même plus de il y avait même plus de débat. Enfin, je me rappelle, j'étais au stade ce soir-là. C'est à un moment donné, tu te dis mais quand tu regardes la pendule, tu vois 4-0 20 minutes, tu te dis on leur en met 12. Enfin, l'Aslande il tente 4 ciseaux dans le match. Il tente 4 papinades dans le même match que Courbis à la fin. Il dit mais si l'autre milieu du terrain, il attend que quand même. Oui, c'est un truc de fou. Que Courbis à la fin du match, il dit mais le mec il est barjo, l'autre il tente 4 papinades et dans le même match. Tu t'imagines que la veille Benarbia était malade. Et la veille, oui, c'est ça. Et en plus là, il y avait tout un contexte spécial. Claude Bèze était décédé. Il n'avait pas joué, tu vois. Il y a eu l'hommage à Claude Bèze qui était décédé une semaine avant. Enfin, c'était tout un contexte un peu bizarre ce match-là. Mais ça, c'est des trucs que tu le vis une fois tous les 15-20 ans, comme t'as revécu après. C'est mémorable. On en parle encore aujourd'hui parce que c'est du football au sens propre du mot. Et puis ces deux équipes qui jouaient. On trichait pas. Comme le mec s'écroule, il reste un quart d'heure. Mais surtout, il y avait de l'enjeu. Là, le match, à part pour Marseille, il a aucun enjeu. Je veux dire, sportivement, nous, on a aucun enjeu. Si ce n'est prendre des points. Mais c'est tout. Marseille, eux, ils peuvent encore peut-être espérer gratter quelque chose en Europe. Si ça se trouve, ils peuvent même pas jouer à Coupe d'Europe. Mais si on les bat. On pourra les chambrer si on les bat. À la fin du match, ouais, la Coupe d'Europe, tu la joueras pas. Nous non plus, vous non plus, personne ne la jouera. Je vais reprendre les propos de Marc tout à l'heure. C'est pas que j'ai pas confiance en l'équipe. Je les trouve un peu. Comment t'expliquer C'est comme quand j'avais des juniors, alors je savais toujours sur qui m'appuyer pour me faire finir le travail. Et là, j'ai comme l'impression qu'on peut piocher à droite à gauche, on n'a pas la solution. Ah oui, c'est tout à fait ça. Ah oui, c'est complètement ça. Alors, à un moment donné, je trouvais que Caramo, à toute proportion gardée, m'en rappelait un petit peu Ounas quand il faisait la différence. Et après, depuis son histoire, là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait là comme connerie, depuis que Bordeaux l'a mis... Et on le voit un peu moins, je suis d'accord. Oui, on ne le voit plus. C'est pas mal. Là, il recommence à ressortir. Mais moi, par contre, je serai Souza, je serai un coup de poker. Je me mettrai de Préville en forme de 10 et je mets les Caramo et Camano. Oh non, oui, pourquoi Caramo. Pas après. Ah non. Moi, attends. Je sais comme ça. Après, au départ, à l'abri, ça va dépendre aussi du match, de ce qui va se passer. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, si nous ne sommes pas supérieurs à les Marseillais, un tracé commun. Vous devez laisser comment, si je peux dire. Eh bien, pourquoi on ne tenterait pas, on est à la maison. Bah, après, voilà, faut pas oublier, le stade sera plein, le public sera chaud, ça va pousser. Oui, mais je pense que quand t'es joueur, j'ai jamais joué dans un stade de 42 000 personnes, mais quand t'es joueur, je pense que t'es plus boosté. On me fera pas croire que Lyon, ils battent le PSG chez eux juste... Parce qu'ils étaient plus forts que Paris. Non, ils le battent parce qu'ils sont chez eux, qu'il y a 60 000 personnes. Alors, tu vois, je vais te renvoyer le truc. Comment tu expliques que Bordeaux, de cette équipe, de cette année, je veux dire, et t'as fait 2-2 face à Paris, je pense, aussi en partie grâce à ça. Tu me l'enlèves des mots de la bouche. Comment ils sortent un match face à un rouleau compresseur, ouais, comme celui-là? Le seul de l'année avec Lyon, peut-être. Et face à Lyon aussi. On doit gagner là-bas au Parc. À Lyon. Ouais, c'est ça que je comprends pas. Et c'est pour ça que je te parce dis. Parce que c'est plus facile de mobiliser tes joueurs sur un match comme Paris. Paris, c'est le match de l'année pour tout le monde. Il faut le motiver sur Marseille. Pour tout le monde, c'est le match de l'année. Parce que tu joues Neymar, Mbappé, Cavani, les mecs ils étaient en transe. Mais là c'est pareil. Alors c'est un degré moindre, hein. c'est moins sexy. C'est sûr que c'est moins sexy Sakai que Daniel Alves, mais enfin quand même. Mais voilà, et là les mecs, faut qu'ils se mettent en mode PSG, quoi. Il y a Lyon derrière, voilà. Il faut que Paulo Souza, à la limite, il dit les gars, il reste deux matchs là, deux gros matchs à la maison. On essaye de bien se les faire ces deux-là, et le reste, déjà tu prendrais 6 points, ça te permettrait de d'assurer ta fin de saison, de dire bon ben c'est bon, c'est plié, 6 points, on peut finir et en. Tu sais combien on a perdu de points à la maison? Je sais pas, mais beaucoup. Je dirais entre 10 et 15. Mais... Non, de Montpellier jusqu'à maintenant, ça fait 7 points. Oui, en parlant que depuis Montpellier. Oui, 7 points, j'imagine, à la maison. C'est énorme. Je parle pas à l'extérieur. C'est grave. On va conclure parce qu'il est 10h10 et qu'on a déjà un petit peu dépassé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien. Là, on a fait les pronos, on a fait les trucs. Ouais. Et ben écoute, on est bon. Merci beaucoup, mon petit art. Donc pas d'émission vendredi puisqu'on sera au stade. Donc ça va être compliqué. Donc on se retrouvera lundi prochain pour débriefer ce Marseille. Je finis sur une note, tu vas comprendre ce que je veux dire. En même temps que je vous parle, je regarde Saint-Etienne. Il y a combien d'ailleurs? Il y a toujours un partout. Oui, mais alors, quand je vois comment ils jouent les Nîmois, je dis, c'est pas possible. Comment Bordeaux peut jouer aussi négativement? Ah, Nîmes, ça joue bien au ballon. Ils ont un sacré joueur avec Savagnier. Ça joue bien au ballon avec quasiment que des joueurs de Ligue 2 qu'ils avaient l'an dernier. Je vais faire un parallèle et je vous dirai après au revoir. En fait, quand on parle de Bordeaux maintenant, c'est comme c'est comme si tu disais Longchamp ou Gucci, tu vois. Ouais, sauf que ces joueurs de Nîmes, ils ont bouffé de la merde avant d'arriver là où ils sont. C'est comme Marseille, tu vois. On parle de Marseille comme si c'était l'Olympique de Marseille de tapis, non, ça peut rien avoir. C'est Bordeaux, c'est plus le Bordeaux de base. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Voilà, alors, quoi. Mais il y a le nom. On devrait peut-être reprendre certaines méthodes. Non, je déconne. Non, pas les méthodes, non, mais nous, on a les RTL. Mallette pour moi. La valise RTL. Allez. La mallette. Allez, bim. Bon, tard, merci beaucoup. Bonne semaine. Je peux avoir un coup de cœur. Oui, mais attends, avant, on finit avec tard. Bon week-end, bonne semaine, bon match vendredi. Ciao. Ouais, merci, ciao. Les gars. Coup de cœur et on se quitte. Ouais, juste un énorme coup de cœur sur le tifo du Bayern. Du Bayern. Du Borussia Dortmund. De ce soir. Je sais pas si c'était ce soir exactement. Ils ont fait quoi? Je l'ai pas vu. Et il est joli. Je trouve le la transmission juste. Ah, je l'avais pas vu. Les gars, bon. Alors pour ceux qui l'ont pas vu, le gamin, la rambarde. C'est un. Alors de ce que je vois de loin, décris-le parce que moi je vois rien. C'est un papa avec son fils. C'est un papa avec son fils. Une écharpe autour du cou. Tu sais, un truc en métal, c'est comme une barrière où il y a. Tu dois avoir les stickers des groupes qui sont posés avec les écharpes autour du cou, le drapeau. Alors c'est un voile qui descend du toit et qui va jusqu'en bas. C'est la folie. Ça doit faire 15 ou 20 mètres. C'est vraiment très beau parce que c'est des voiles, mais enfin, où t'as juste, c'est découpé, tu vois, ça va passer un peu comme. Comme on l'a fait pour Marseille. Tu sais, c'est comme on a fait pour Marseille. Non, un peu moins. Comme le Sangoku de Paris. Comme le Sangoku de Paris, exactement. Voilà, donc je trouve la réalisation, les détails. Enfin, il est juste magnifique. C'est vrai que c'est joli. Remets-moi un coup de visuel, là. Ouais, tu le verras demain. On le verra tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est. Alors, c'est immense. Sur toute la tribune, c'est gay et beau. Gay et beau. Surtout quand on sait à quel point c'est difficile. De faire tenir ces genre de. Mais les Allemands ont de très bonnes tribunes pour ce genre de trucs. Ils sont vraiment très. Ouais, ils sont vraiment pas mal. Puis c'est vrai qu'avec certains nouveaux matériaux, certaines nouvelles techniques aussi, on arrive à faire des trucs bien plus élaborés qu'il y a 15 ou 20 ans. Ça me fait penser à l'ancien coach. J'ai oublié son nom. Qui est l'heure actuelle entraîneur de Liverpool. Klopp, le mec me fait penser à lui. Merci messieurs, on se retrouve donc vendredi, pas d'émission, on sera tous au stade en espérant au moins de ramener quelque chose, un point, une victoire, la victoire évidemment. On se retrouvera donc lundi 20h30, 22h pour débriefer ce Bordeaux-Marseille en espérant pas débriefer quelque chose d'historique parce que là pour le coup ça serait historique, mais on le fera quand même dans la joie et la bonne humeur quand bien même. On va remercier Yohan, remercier Tar, merci Marc, merci Adrien. Les phrases de fin. Vas-y, Adrien, Marc. Je fais mon coup de cœur. T'as fait ton coup de cœur. Allez, en espérant pas perdre vendredi. Il n'y aura pas d'émission d'ailleurs vendredi soir. Oui. Moi, je vais lire le tweet que j'ai fait. Comme ça. Non, arrête l'émission maintenant. Arrête l'émission maintenant. Non, il est très bien. Bon, alors, fais-le vite. Où on fait une fausse interview de Grégory Sertic en disant « Prêté jusqu'à la fin de saison à Zurich, il évoque pour l'émission le match de vendredi face à Marseille. » Il a vraiment été prêté à Zurich. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est pas le poisson d'avril. Ça, c'est vrai. Il parle de son envie d'un jour jouer à un Bordeaux-Marseille. « C'est toujours une déception de ne pas jouer ce classique du championnat. J'ai à cœur d'en rejouer un. C'est important pour moi après tout ce qui s'était passé. » Je veux rejouer pour Bordeaux. Je n'ai pas peur de l'accueil. C'est la loi du foot. C'est bien. Moi, je voulais partir. Je savais que ce serait compliqué. Attends, t'as écrit combien de lignes? Je connais mes raisons. Mon rêve est que se reforme la meilleure équipe des Girondins du XXIe siècle. on se sentait invincible. La team Badax sous voilà. Et à partir de là, ça part en couille. Mais sinon, jusqu'à là, c'était bien. Jusqu'à là, c'était très crédible. Aller chercher le Barça. T'aurais pas mis team Badax. Jusqu'à là, c'était très crédible, Adrien. Allez. Tu vois, je me suis dit qu'il fallait pas. Merci, messieurs. On vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à vous. Bon match vendredi. Tu veux juste une. Si vous êtes. Oui, mais vite, parce que. Je suis allé voir le spectacle de Jeff. Ah oui, c'était bien. Il y avait Julien, mais qui était aussi, je pense. Alors, en humour noir, je m'attendais pas à ça, j'étais plié. Mais c'est bien. Si vous allez voir des spectacles aussi, faites-nous part de votre. Je vous le dis de suite, le 11 octobre, je serai pas là, c'est un vendredi. Et le 23 novembre, c'est un samedi, il y a de fortes chances que le 22 novembre, je sois pas là non plus. Et pour les films, c'est pareil. Pour les films, c'est pareil. On a le droit à la fin de l'émission. Allez, on va vraiment y aller parce qu'il est 10h20 que je suis vraiment cramé. Donc, merci à vous. Donc, rendez-vous. Bon match pour ceux qui seront au stade. Ceux qui ne seront pas au stade parce que vous êtes loin et que vous n'avez pas pu venir, eh ben, montez le son parce que là, le stade sera plein. Donc, ça va pousser. Ça va gueuler. Ça va donner tout ce qu'on peut pour soutenir cette équipe et pour les pousser à la victoire. Bonne soirée. Bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain. Et allez, Bordeaux.